Le livre de la vie. Hagiographie de Thérèse d'Avila. Chapitre 4. Début dans la vie religieuse et grave maladie. Tandis que je méditais mon dessein, j'eus le bonheur de persuader à l'un de mes frères, Antoine de Ahumada, en lui montrant la vanité du monde, d'embrasser l'état religieux. Ainsi il fut convenu entre nous qu'un jour, de grand matin, il me conduirait au monastère où était cette amie pour laquelle j'avais une grande affection. Ce monastère était celui de l'Incarnation d'Avila, de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel. Cependant, je me sentais alors prête à entrer dans tout autre couvent. Si j'avais eu l'espoir d'y mieux servir Dieu, ou si mon père m'en eût témoigné le désir, car déjà je cherchais, sérieusement le bien de mon âme, et quant au repos de la vie, je n'en tenais nul compte. Oui, je dis vrai, et le souvenir m'en est encore présent, lorsque je sortis de la maison de mon père, ma douleur fut telle, que ma dernière heure, je le crois, ne peut m'en réserver une plus grande. Il me semblait que tous mes os se détachaient les uns des autres. L'amour de Dieu n'étant pas en moi assez fort pour surmonter celui de mon père et de mes parents, je me faisais une indicible violence. Et si le Seigneur ne m'eût aidé, mes considérations auraient été impuissantes à me faire aller de l'avant. Mais à ce moment il me donna le courage de triompher de moi-même, et j'exécutai mon dessein. Les historiens de Sainte Thérèse ne sont pas d'accord sur le jour de son entrée en religion. Les uns, comme Ribera, le fixent au 2 novembre 1535, les autres, avec Yepes, préfèrent le 2 novembre 1533, quelques-uns le reculent jusqu'à l'année 1536. Deux passages des écrits de la Sainte semblent aussi indiquer deux dates différentes, parlant, au chapitre 4 de sa vie, de l'époque où elle se rendait à Beseda pour se faire traiter, c'est-à-dire après sa profession religieuse, elle dit « Je n'avais pas encore 20 ans ». Si ce chiffre est exact, Thérèse serait entrée en religion au milieu de sa 19e année, par conséquent en 1533. D'autre part, dans une relation de 1575, adressée au père Rodrigue Alvarez, elle écrit qu'il y a 40 ans qu'elle a pris l'habit. Ce serait donc en 1535. Ces divers témoignages ne permettent pas d'affirmer, avec pleine certitude, telle date plutôt que telle autre. Pour des motifs qu'il serait trop long d'exposer ici, nous choisissons, comme plus probable, celle du 2 novembre 1533. Lorsque je reçus l'habit, le Seigneur me fit comprendre combien il favorise ceux qui s'imposent violence pour le servir. À dire vrai, cette violence n'avait été connue que de lui seul, au dehors. L'on ne voyait en moi qu'un inébranlable courage. À l'instant même, il versa dans mon âme une si grande satisfaction de mon état, que rien n'a pu l'altérer jusqu'à ce jour. À une cruelle sécheresse qui me désolait, il fit succéder le suave sentiment d'un tendre amour pour lui. Toutes les pratiques de la vie religieuse me devenaient une source de délices. Parfois, il m'arrivait de balayer aux mêmes heures que je donnais jadis à mes plaisirs et à mes parures. Alors la seule pensée qu'enfin je n'étais plus esclave de ces vanités, répandait dans mon cœur une joie nouvelle, j'en étais étonné, et je ne voyais point d'où elle pouvait me venir. Lorsque je me rappelle ces choses, il n'est rien d'aussi difficile que je ne me sente le courage d'entreprendre, que deux fois j'en ai fait l'épreuve. Lorsque, dès le commencement d'une œuvre sainte, j'ai vaincu les résistances d'une nature lâche, toujours j'ai en âme en applaudir, quand on agit purement pour Dieu, il permet, afin d'accroître nos mérites, que l'âme éprouve je ne sais quel effroi, jusqu'au moment où elle aborde l'action, mais plus cet effroi est grand, plus aussi, quand elle en triomphe, elle en est récompensée et rencontre de délices dans ce qui lui semblait si ardu. dès cette vie même. Il plaît au divin maître de payer cette grandeur de courage par des jouissances intimes, connues seulement des âmes qui les goûtent. J'en ai fait l'expérience, je le répète, en des choses de grande importance, aussi je ne conseillerais jamais, s'il m'était permis de donner un avis, d'écouter de vaines craintes et de négliger une bonne inspiration, quand, la différente reprise, elle vient nous solliciter. Si la gloire de Dieu en est un unique terme, le succès est assuré, car ce grand Dieu est tout-puissant. Qu'il soit béni à jamais. Amen. Ô mon souverain bien et mon repos, n'était-ce donc pas assez des grâces dont vous m'aviez comblé jusqu'alors? Vous m'aviez conduite par tant de détours à un état si sûr, vous veniez de m'ouvrir un asile où vous comptiez tant de fidèles servantes, dont l'exemple devait m'enflammer d'ardeur dans votre service. Je ne sais comment poursuivre mon récit, quand je me rappelle ma profession religieuse, mon grand courage, ma joie si pure en ce beau jour, et les noces spirituelles célébrées avec vous. Je ne puis en parler sans verser des larmes, mais ce devrait être des larmes de sang, mon cœur devrait se fendre de regret. Et ce ne serait pas trop pour effacer tant d'offenses commises depuis ce jour. Il me semble maintenant que j'avais raison de ne pas vouloir aspirer à une si grande dignité, puisque je devais si mal en user. Pendant près de 20 ans, vous avez souffert une infidèle, et vous avez voulu être l'offensé pour que je sois la privilégiée. Ne dirait-on pas, ô mon Dieu, que je n'avais juré que de trahir tous mes serments? Sans doute, une telle intention n'était pas alors dans mon âme, mais, hélas, à voir les œuvres qui suivirent, je ne sais plus qu'en penser, du moins. Ô mon époux, cette infidélité servira à faire mieux connaître qui vous êtes et qui je suis. Je puis le dire avec vérité, ce qui souvent adoucit le regret de tant d'offenses. C'est la pensée consolante qu'elle révèle au grand jour la multitude de vos miséricordes, et en qui, Seigneur, peuvent-elles resplendir d'une manière plus éclatante que moi, qui, par mes fautes, étant obscurci ces grandes grâces dont vous aviez enrichi mon âme? Combien je suis à plaindre, ô mon Créateur! Je n'ai aucune excuse, et toute la faute en retombe sur moi. Si, par le plus faible retour, mon cœur eût répondu aux premières marques de votre amour, je le sens, je n'aurais pu aimer que vous, et c'eût été le remède à tous mes maux. Mais je ne l'ai point mérité, je n'ai pas eu cet avantage, il ne me reste, Seigneur, qu'à implorer votre miséricorde. Malgré tant de bonheur, ma santé ne résista point au changement de vie et de nourriture. Mes défaillances augmentèrent, et il me prit un mal de cœur si violent, qu'il inspirait de l'effroi. Ajoutait à cela toute une complication de maux. C'est ainsi que je passai cette première année. Elle s'écoula pure, sans presque aucune offense du Seigneur. Mon mal était à un tel degré de gravité, que j'étais presque toujours sur le point de m'évanouir, souvent même je perdais entièrement connaissance. Mon père, avec de soins incroyables, cherchait quelques remèdes, les médecines de l'endroit n'en trouvant point. Il ne balança pas à me conduire dans un lieu fort renommé. Là, lui disait-on, ma maladie, comme tant d'autres, céderait à l'habileté du traitement. Le monastère où j'étais n'ayant pas de vœux de clôture, rien ne s'opposait au voyage. J'eus le bonheur d'avoir pour compagne cette amie dont j'ai parlé, religieuse déjà ancienne. Mon séjour dans ce pays fut à peu près d'un an. Durant 3 mois je me vis soumise, par la violence des remèdes, à une effroyable torture. Je ne sais comment j'ai pu y résister, mais si l'âme s'éleva haut, dessus de la souffrance, le corps succomba, comme je le dirai, à un traitement d'une telle rigueur. Les remèdes ne devaient commencer qu'au printemps, et je m'étais mise en route au commencement de l'hiver, le village où habitait cette sœur dont j'ai parlé. Marie, sœur aînée de la Sainte, étant voisin de l'endroit où j'allais. Cet endroit était Beuceda. Je restais tout ce temps chez elle, j'attendais ainsi le mois d'avril, et j'évitais les allées et les venues. Je revis en passant cet oncle dont la maison se trouvait, comme je l'ai dit, sur notre chemin. Il me fit présent d'un livre qui avait pour titre « Le troisième abécédaire ». Remarquable ouvrage du père François de Osuna, de l'ordre des frères mineurs. C'était un traité de l'oraison de recueillement. J'avais lu, durant cette première année, plusieurs bons livres, et j'étais bien résolue de ne plus en lire de frivoles, comprenant trop le mal qu'il m'avait fait. J'ignorais néanmoins encore comment je devais faire oraison et me recueillir. Ce traité me causa donc le plus grand plaisir, et je résolus de suivre le chemin qu'il me traçait, avec toute l'application dont je serais capable, comme déjà le Seigneur m'avait accordé le don des larmes et que la lecture faisait mes délices. Je commençais à me ménager des heures de solitude, et à purifier mon âme par une confession plus fréquente. C'est ainsi disposé que j'entrais dans cette voie spirituelle, ayant ce livre pour guide et pour maître. Pendant 20 ans, à dater de ce que je raconte, ce fut en vain que j'en cherchais un confesseur qui m'entendit. Privé d'un tel appui, bien des fois je retournais en arrière, je fus même exposé à me perdre entièrement. Un maître spirituel qui m'aurait connu, m'aurait du moins aidé à sortir des occasions dangereuses où je me suis trouvé. Dieu voulut couronner mes premiers efforts, et durant les 9 mois que je passais dans cette solitude, il se montra prodigue de faveur. Je n'étais pourtant pas aussi exempte de faute que l'exigeait mon livre, je n'y aspirais pas même, parce qu'à mes yeux une si parfaite vigilance était chose presque impossible. Je veillais seulement avec une grande attention à me préserver de tout péché mortel, et plus à Dieu que je l'eusse toujours fait avec autant de perfection. Mais pour les péchés véniels, je n'y regardais pas de si près. Et ce fut là ce qui fit tant de mal à mon âme. À la fin de ces 9 mois, notre Seigneur, non content des délices qu'il m'avait fait savourer, daigna m'élever à l'oraison de quiétude, et quelquefois même jusqu'à celle d'union. L'une et l'autre m'étaient inconnues, j'ignorais leur nature et leur prix. Il m'eût été cependant très utile d'en avoir une connaissance exacte. À la vérité, cette union ne durait que très peu, je ne sais même si c'était le temps d'un Ave Maria, mais les effets que j'en ressentais étaient étonnants. Je n'avais pas 20 ans encore, et je foulais, ce me semble, sous les pieds le monde vaincu. Je portais, il m'en souvient, une compassion profonde à ceux qui suivaient ses lois, même en des choses licites. Voici quelle était ma manière d'oraison. Je tâchais, au que je le pouvais, de considérer Jésus-Christ notre bien et notre maître comme présent au fond de mon âme. Chaque mystère de sa vie que je méditais, je me le représentais ainsi dans ce sanctuaire intérieur. Toutefois, je passais la plus grande partie du temps à lire de bons livres. Ils étaient le charme et le rafraîchissement de mon âme. Dieu ne m'a pas donné le talent de discourir avec l'entendement, ni celui de me servir avec fruit de l'imagination. Cette dernière faculté est chez moi tellement inerte, que lorsque je voulais me peindre et me représenter en moi-même l'humanité de notre Seigneur, jamais, malgré tous mes efforts, je ne pouvais en venir à bout. À la vérité, l'âme qui ne peut discourir, si elle persévère, arrive bien plus vite à la contemplation, mais sa voie est très laborieuse et très pénible, car, dès que la volonté ne se trouve pas occupée, et que l'amour ne se porte pas sur un objet présent, cette âme demeure comme sans appui et sans exercice. La solitude et la sécheresse la font beaucoup souffrir, et les pensées lui livrent un terrible combat. À des âmes de cette trempe, il faut plus de pureté de conscience qu'à celles qui peuvent agir avec l'entendement. Celles-ci, s'appliquant à approfondir la vanité du monde, les bienfaits divins, les ineffables souffrances du Sauveur, le peu de service qu'elle lui rende, la grandeur des dons qu'il réserve à ceux qui l'aiment, puisent dans ses sujets divers des lumières et des armes pour se défendre contre les pensées, les occasions et les périls. Mais les personnes privées d'un tel secours se trouvent plus exposées, c'est pourquoi, ne pouvant puiser en elles-mêmes aucune de ces pensées fortes, elles doivent s'occuper beaucoup à la lecture. Leur voie étant semée de souffrances si cruelles, la lecture, quelque courte qu'elle soit, leur est très utile, nécessaire même, pour se recueillir et pour remplacer l'oraison mentale qu'elles ne peuvent faire. Que si le maître qui les dirige leur interdit l'usage du livre, et les force à persévérer dans l'oraison sans ce secours, il leur sera impossible de lui obéir longtemps, et elles ne feront que ruiner leur santé en s'obstinant à soutenir une lutte si pénible. Je le reconnais maintenant, ce fut par une conduite particulière de notre Seigneur que, pendant 10-8 ans, je ne trouvais aucun maître spirituel, car si, au milieu du long tourment et des sécheresses que me faisait endurer l'impuissance de discourir, j'en avais rencontré un qui eût voulu me conduire de cette manière, il m'aurait été impossible d'y résister. Jamais, durant tout ce temps, excepté quand je venais de communier, je n'osais aborder l'oraison sans un livre, sans lui. Mon âme éprouvait le même effroi que si elle avait eu à lutter seule contre une multitude ennemie. L'ayant à côté de moi, j'étais tranquille. C'était une compagnie, c'était de plus un bouclier sur lequel je recevais les coups des pensées importunes qui venaient troubler mon oraison. D'ordinaire, je n'étais point dans la sécheresse, mais jamais je n'y échappais quand je me trouvais sans livre. Soudain mon âme se troublait et mes pensées s'égaraient. Avec mon livre, je les rappelais doucement, et par cette attrayante amorce j'attirais. Je gouvernais facilement mon âme, souvent je n'avais besoin pour cela que d'ouvrir le livre. Quelquefois je ne lisais que quelques lignes, d'autres fois je lisais plusieurs pages, c'était suivant la grâce que notre Seigneur m'accordait. Dans ces heureux commencements, il me semblait qu'avec des livres et de la solitude, aucun danger n'aurait pu me ravir un si grand bien. Je crois même qu'avec la grâce de Dieu il en eût été ainsi, si un guide spirituel, ou quelqu'un enfin, m'eût éloigné ou du moins promptement retiré des occasions dangereuses. Une tentative ouverte du démon pour m'entraîner à quelque péché grave m'eût alors trouvé invincible, mais sa tactique fut si subtile et moi si faible, que toutes mes résolutions me servirent peu. Cependant, au jour de ferveur, elles me furent d'un secours immense pour supporter. Avec cette inaltérable patience que le Seigneur me donna, les effrayantes maladies que j'eus à souffrir, que deux fois, en reportant la vue sur cette époque de ma vie, j'ai considéré avec étonnement la bonté infinie de Dieu, que deux fois mon âme s'est délectée dans la contemplation de sa magnificence et de sa miséricorde, qu'il soit béni de tant de bienfaits. J'ai vu clairement que jamais il n'a laissé de me récompenser, dès cette vie même, du moindre désir formé pour sa gloire. Quelque défectueuses et imparfaites que fussent mes œuvres, mon divin maître daignait les améliorer, les perfectionner, leur donner de la valeur. Quant à mes fautes et à mes péchés, il se hâtait de les couvrir d'un voile, et maintenant il permet qu'un épais nuage les dérobe à la vue de ceux qui en furent témoins, il fait plus, il les efface de leur mémoire, il transfigure mes fautes jusqu'à leur donner l'éclat de l'or, et il se plaît à faire resplendir une faible vertu, que lui seul a mise en moi, pour ainsi dire, malgré mes résistances. Je veux revenir à ce que l'on m'a commandé d'écrire, mais faut qu'on le sache. Si je devais raconter en détail la conduite de notre Seigneur à mon égard dans ses commencements, une pareille tâche serait au-dessus de mes forces. Il faudrait un autre esprit que le mien pour peindre sous leur vraie couleur, d'un côté les innombrables bienfaits dont je me vis comblé, de l'autre une ingratitude et une malice qui purent les ensevelir dans l'oubli. Louange éternelle à ce Dieu de bonté dont tant d'infidélités n'ont pu vaincre la patience. Chapitre 5. Cure en dehors du monastère. En parlant de l'année de mon noviciat, j'ai oublié de dire que je me laissais aller à de grands troubles pour des choses de peu d'importance. Souvent recevais des réprimandes sans les mériter, et je ne les écoutais qu'avec beaucoup de déplaisir et d'imperfection. Néanmoins, dans ma joie d'être religieuse, j'acceptais tout. Comme je recherchais la solitude et que j'y pleurais mes péchés, les sœurs, s'en étant quelquefois aperçues, s'imaginèrent que je n'étais pas contente, et elles en parlaient dans ce sens. Au fond, je sentais de l'attrait pour toutes les observances du cloître, mais ce qui ressemblait à du mépris était loin d'avoir des charmes pour moi, tandis que je goûtais une joie très vive de me voir estimée. Je mettais un soin parfait dans tout ce que je faisais, et cela même était vertu à mes yeux. Ce n'est pourtant pas une excuse légitime, parce que je savais admirablement chercher en tout ma propre satisfaction, et ainsi l'ignorance ne saurait me justifier. Il est vrai que ce monastère n'était pas établi sur les bases d'une perfection très élevée, et moi, cédant à la pente de la nature, j'allais à ce qui était moins régulier, et je laissais de côté ce qu'il y avait d'exemplaire. Je fus témoin alors de l'héroïque résignation que fit éclater une religieuse au milieu d'une bien cruelle maladie. Elle avait au ventre des ouvertures causées par des obstructions, et par où elle rejetait la nourriture qu'elle prenait, ce qui en peu de temps la conduisit au tombeau. Le mal effrayait les autres. Moi je portais grande envie à cette inaltérable patience. Je disais à Dieu que, s'il voulait me la donner au même degré, je le priais de m'envoyer toutes les maladies qui lui plairaient. Il me semble que je n'en redoutais aucune, ma soif des biens éternels était si ardente, que j'étais résolue à les gagner à quelque prix que ce fût. J'en suis étonnée maintenant. Parce qu'alors je n'avais pas encore ce feu de l'amour divin que l'oraison plus tard alluma dans mon âme. Ce n'était qu'une certaine lumière, qui me révélait la vanité de tout ce qui passe, et l'inestimable prix des biens éternels que l'on peut acheter par le sacrifice de ces biens d'un jour. La divine majesté daigna exaucer ma prière, 2 ans ne s'étaient pas encore écoulés, que je me vis assaillie d'un mal différent sans doute, mais qu'il cependant me causa, l'espace de 3 ans, des douleurs non moins sensibles et non moins cruelles, comme je le raconterai bientôt. L'époque du traitement que j'attendais chez ma sœur étant venue, mon père, ma sœur, et cette religieuse, ma fidèle amie et compagne de voyage, de laquelle j'étais si tendrement aimée, m'emmenèrent, avec des soins extrêmes pour me rendre le trajet agréable, à l'endroit où l'on espérait me guérir. Ce fut là que le démon commença à troubler mon âme. Dieu cependant en retira un grand bien. Dans ce lieu même où j'étais venu chercher ma guérison, vivait un ecclésiastique d'une naissance distinguée, qui, à beaucoup d'intelligence, ne joignait toutefois qu'une science médiocre. Ce fut à lui que je m'adressai pour la confession. Je dois le dire, j'ai toujours eu une prédilection marquée pour les confesseurs éminents en doctrine, car les demi-savants ont nui grandement à mon âme, mais il ne m'a pas toujours été facile de les rencontrer au gré de mes désirs. J'ai vu par expérience qu'il vaut mieux, quand ils sont gens de bien et de bonnes mœurs, qu'il n'est pas du tout de science que d'en avoir une médiocre, alors du moins ils se défient, tout comme moi, de leur lumière, et ils prennent conseil d'hommes vraiment éclairés. Les vrais savants ne m'ont jamais trompé. Les autres sans doute n'en avaient pas la volonté, mais ils n'en savaient pas davantage, et comme j'avais de meilleures opinions, je pensais n'être obligé qu'à les croire. Leur décision me laissait d'ailleurs plus de large et de liberté. Si je m'étais vu serré de près, il y a si peu de vertu en moi, que peut-être j'en aurais cherché d'autres. Là où il y avait péché véniel, il ne voyait point d'offense, et là où il y avait péché mortel très grave, il ne trouvait qu'une faute véniel. Cela nuisit beaucoup à mon avancement dans la vertu. Il est bon, je crois, de le dire ici, afin que les autres se préservent d'un si grand mal. Mais devant Dieu il m'est clair que je n'avais point d'excuse. Il devait me suffire de savoir qu'une chose n'était pas bonne de sa nature, pour l'éviter avec soin. Le Seigneur a permis, je crois, à cause de mes péchés, qu'il se soit trompé, et que, trompé par eux, j'en ai égaré d'autres en répétant ce qu'il m'avait dit. Je restais, ce me semble, plus de 17 ans dans cet aveuglement. Le premier qui commença à me détromper sur certains points fut un religieux très savant de l'ordre de Saint-Dominique. Le père Vincent Baron, la sainte aura plus d'une fois encore à parler de lui. Enfin les pères de la Compagnie de Jésus m'inspirèrent les plus vives craintes sur toute ma vie, en me montrant, comme je le raconterai plus loin, le mal et la gravité de ses débuts. Je commençai donc à me confesser à cet ecclésiastique, si dans la suite j'ai eu plus à dire en confession, à cette époque, comme depuis le commencement de ma vie religieuse, je n'avais que peu de fautes à déclarer. Il en fut frappé, et me voua dès lors un extrême attachement, qui partait d'un bon principe, mais dont l'excès devenait répréhensible. Je lui avais fait comprendre que pour rien au monde je ne me résoudrais jamais à offenser Dieu en matière grave. De son côté, il m'assurait qu'il était dans les mêmes sentiments. Ainsi, nous eûmes de fréquents entretiens. Comme alors mon âme goûtait habituellement en Dieu d'enivrants délices, mon plus doux plaisir était de parler de lui, à un tel langage, dans une personne si jeune encore. Il se sentait pénétré de confusion. Enfin, poussé par la confiance que je lui inspirais, il commença à me découvrir l'état de son âme, qui était déplorable et des plus dangereux. Depuis près de 7 ans il entretenait une affection et des relations coupables avec une femme de l'endroit, et il ne laissait pas de dire la messe. La chose était si publique qu'il était perdu d'honneur et de réputation. Personne cependant n'osait le blâmer en face. Ses aveux me remplirent de compassion, car son dévouement pour moi me l'avait rendu cher. Victime alors d'une inexpérience trop naïve et trop aveugle, je regardais comme vertu de répondre par la reconnaissance et par un retour d'affection à l'amitié qu'on avait pour moi. Maudit soit la loi d'un tel retour, qui va jusqu'à être contraire à la loi de Dieu. C'est là une folie qui a cours dans le monde, et j'avoue qu'elle me met tout hors de moi quand j'y pense. Quoi, c'est à Dieu seul qu'est du tout le bien qu'on nous fait, et nous regardons comme vertu de ne pas briser les liens d'une amitié qui lui déplaît. Ô aveuglement du monde! Et vous, Seigneur, quelle grâce vous m'auriez faite, si, souverainement ingrate envers ce monde tout entier, j'avais le bonheur de ne l'être jamais envers vous, mais à cause de mes péchés, le contraire est arrivé. M'étant procuré, par les personnes mêmes de sa maison, des renseignements plus précis, je connus mieux l'état de cet infortuné, et je découvris en même temps une circonstance qui le rendait un peu moins coupable. La malheureuse femme qu'il avait égarée avait obtenu de lui qu'il porterait au cou, pour l'amour d'elle, une petite figure de cuivre, où elle avait mis des charmes, et nul n'avait eu le pouvoir de lui faire quitter ce gage perfide. Je n'ajoute pas entièrement foi à ce que l'on dit des sortilèges, mais je rapporte ce que j'ai vu de mes propres yeux, afin que les hommes se tiennent en garde contre ces femmes qui aspireraient à former de tels liens, qu'ils le sachent. Dès qu'elles ont perdu tout homme devant Dieu, elles que leur sexe oblige plus étroitement à la pudeur, on ne saurait sans péril leur accorder la moindre confiance, pour arriver à leur fin, et pour le succès d'une passion insensée que le démon allume en elles, il n'est rien dont elles ne soient capables. Quant à moi, malgré ma profonde misère, jamais je ne suis tombé dans aucune faute de ce genre. Jamais, dans tout le cours de ma vie, je n'ai en l'intention de faire le mal, jamais, quand je l'aurais pu, je n'aurais voulu forcer qui que ce fût à m'aimer, mais c'est le Seigneur qui m'en a préservé, et s'il ne m'eût tenu de sa main, j'aurais pu l'offenser en cela comme dans le reste, car on ne doit fonder sur moi aucune confiance. Dès que je fus fixé par ces renseignements, je témoignai un intérêt plus affectueux à cet ecclésiastique. Mon intention était bonne, mais ma conduite était blâmable, car l'espérance d'un bien, quelque grand qu'il fût, n'aurait jamais dû me faire commettre même le plus petit mal. Le plus souvent, je lui parlais de Dieu. Mes paroles lui furent utiles sans doute, mais la grande affection qu'il avait pour moi fut, je crois, chez lui, une plus puissante cause de retour. Pour me faire plaisir, il en vint jusqu'à me livrer la petite figure, que je fis aussitôt jeter dans une rivière. Dès qu'il en fut dessaisi, il se réveilla comme d'un profond sommeil. Le tableau de sa conduite durant ces dernières années se déroulait à ses yeux. Il était effrayé de lui-même, il gémissait de sa coupable vie, et déjà il en était saisi d'horreur. Notre-Dame, je n'en puis douter, lui fit sentir son puissant secours, car il était très dévot au mystère de sa conception, et il en célébrait la fête avec grande solennité. Enfin, il brisa sans retour si triste chaîne, et il ne pouvait se lasser de remercier Dieu de l'avoir éclairé de sa lumière. Au bout d'un an, à dater du jour même où je le vis pour la première fois, il mourut, mais, dans cet intervalle, il avait servi Dieu avec une sainte ardeur. Jamais je ne reconnus rien que d'honnête dans sa grande affection pour moi, bien qu'elle eût pu être d'une pureté plus élevée. Toutefois, en certaines occasions, si nous n'avions eu la pensée de Dieu très présente, nous nous serions trouvés en danger de l'offenser gravement. J'étais alors, je le répète, bien résolu à ne rien faire où j'aurais vu péché mortel, et, selon moi, c'était précisément ces dispositions qui me faisaient aimer de lui. Je crois même que tous les hommes sentiront toujours de la prédilection pour les femmes qu'ils verront inclinées à la vertu. Oui, la vertu est pour elles, comme je le dirai dans la suite, le moyen le plus sûr d'exercer ici-bas de l'empire sur les cœurs. Je tiens pour assuré que celui pour lequel j'avais tant prié est dans la voie du salut éternel. Il mourut dans les plus beaux sentiments de foi, et dans l'éloignement le plus complet de l'occasion qu'il avait égarée. Ainsi, il semblerait que le Seigneur voulût se servir de moi pour ouvrir le ciel à cette âme. Je restai 3 mois dans cet endroit, en proie à de très grandes souffrances, parce que le traitement était trop rigoureux pour ma complexion. Au bout de 2 mois, à force de remèdes, il ne me restait plus qu'un souffle de vie. Le mal dont j'étais allé chercher la guérison était devenu beaucoup plus cruel, les souffrances que j'éprouvais au cœur étaient si vives, qu'il me semblait parfois qu'on me le déchirait avec des dents aiguës. L'intensité de la douleur arriva à tel point, qu'on craignit que ce ne fût de la rage. Ma faiblesse était extrême, l'excès du dégoût ne me permettait de rien prendre, si ce n'est du liquide. La fièvre ne me quittait pas, et des médecines, que pendant un mois on m'avait fait prendre, m'avaient épuisé. Je sentais un feu intérieur qui m'embrasait. Les nerfs se contractèrent, mais avec des douleurs si intolérables, que je ne trouvais ni jour ni nuit un instant de repos. À cela venait encore se joindre une profonde tristesse. Voilà ce que je gagnais dans ce voyage. Mon père se hâta de me ramener chez lui. Les médecins me virent de nouveau. Ils désespérèrent de moi, déclarant qu'indépendamment de tous ces maux, je me mourrais d'étisie, maladie qui produit un amaigrissement extrême. Insensible à l'arrêt qu'ils venaient de prononcer, j'étais absorbé par le sentiment de la souffrance. Des pieds jusqu'à la tête, j'éprouvais une égale torture. De l'aveu des médecins, ces douleurs de nerfs sont intolérables, et comme chez moi leur contraction était universelle, j'étais livré à un indéfinissable tourment. Quelle riche moisson de mérite si j'avais su en profiter! La souffrance dans cet excès de rigueur ne dura que 3 mois, mais on n'eût jamais cru qu'il fût possible de résister à tant de maux réunis. Je m'en étonne moi-même en ce moment, et je regarde comme une faveur un signe de Dieu la patience qu'il me donna. Il était visible qu'elle venait de lui. L'histoire de Job, que j'avais lue dans les Morales de Saint Grégoire, me fut d'un grand secours. Le divin maître m'avait, ce semble, fortifié à l'avance par cette lecture et par l'oraison à laquelle j'avais commencé à m'adonner. Il m'avait ainsi préparé à tout souffrir avec une résignation parfaite. Mes entretiens n'étaient qu'avec lui. J'avais ces paroles de Job, habituellement présentes à l'esprit, et je me plaisais à les redire. Puisque nous avons reçu les biens de la main du Seigneur, pourquoi n'en recevrions-nous pas les maux? Et à ces paroles, je sentais, ce me semble, se renouveler mon courage. Ce long martyre s'était déjà prolongé depuis le mois d'avril jusqu'au milieu d'août, plus douloureux cependant les 3 derniers mois. Enfin, le jour de l'Assomption de Notre-Dame arriva, c'était en 1535. Je montrai le plus vif empressement pour me confesser. Toujours, du reste, j'avais aimé m'approcher souvent de la confession. On s'imagina que la crainte de la mort m'inspirait ce désir, et mon père, pour ne pas m'alarmer, ne voulut point y condescendre. Ô amour excessif de la chair et du sang, quoiqu'il partît d'un père si catholique, si prudent, si inaccessible par ses lumières à un entraînement d'ignorance, combien cependant il aurait pu me devenir funeste. Cette nuit même se déclara une crise si terrible que, pendant près de 4 jours, je restai privé de tout sentiment. On me donna, dans cet état, l'extrême onction. À toute heure, ou plutôt à tout moment, on croyait que j'allais expirer, et l'on ne faisait que me dire le credo, comme si j'eusse été capable d'entendre quelque chose. Plus d'une fois même on ne douta plus que je n'eusse exhalé mon dernier soupir. Et quand je revins à moi, je trouvai sur mes paupières de la cire, tombée d'un flambeau. Cependant mon père était inconsolable de ne m'avoir pas permis de me confesser. Il ne cessait de faire monter vers Dieu des cris et des prières. Béni soit à jamais celui qui voulut les entendre. Déjà, dans mon couvent, la fosse qui attendait mon corps était ouverte depuis 1 jour et demi, et déjà, hors de cette ville, dans un monastère de religieux de notre ordre, on avait célébré pour moi un service funèbre. Dès que je repris connaissance, je voulus me confesser, je communiai en répandant un torrent de larmes, mais, à mon avis, la douleur d'avoir offensé Dieu n'en était pas l'unique cause. Pourtant se repentir, je l'espère, aurait suffi pour me sauver, Quand même le Seigneur m'eût imputé l'erreur où l'on m'avait jeté en m'affirmant à tort, comme je l'ai compris depuis, que certaines choses ne constituaient pas une faute mortelle. Autant que j'en puis juger, malgré les intolérables douleurs qui me restaient et m'enlevaient presque à moi, la confession que je fis fut d'une intégrité parfaite. J'y déclarai tout ce en quoi je croyais avoir offensé Dieu. Entre tant d'autres grâces, il m'a accordé celle-ci. Jamais, depuis que je commençais à communier, je n'ai laissé de m'accuser au saint tribunal de tout ce que j'ai cru être péché, quelque léger qu'il fût. Je ne puis néanmoins, si j'étais morte alors, ni défendre de crainte très vive sur mon salut, d'une part, à cause du peu d'instruction des confesseurs, de l'autre, à cause de mon peu de fidélité à la grâce, et pour bien des motifs encore. Aussi est-il certain qu'arrivé à cette époque de ma vie, et considérant comment le Seigneur me ressuscita en quelque sorte, j'en éprouve un tel saisissement, que j'en suis pour ainsi dire toute tremblante. Il me semble, ô mon âme, que tu aurais dû mesurer la grandeur du péril dont Dieu t'avait délivré, et si l'amour n'avait pas assez d'empire sur toi, la crainte du moins devait t'empêcher de l'offenser de nouveau, car enfin, il aurait pu te frapper mille fois dans un état plus dangereux, et je ne crois pas exagérer en doublant ce nombre. Après tout, j'accepte ici les reproches que pourra m'en faire celui qui m'a ordonné de me modérer dans l'aveu de mes péchés. Et certes, tels que je les ai racontés, ils n'apparaissent déjà que sous des couleurs trop flatteuses. Je le conjure, pour l'amour de Dieu, de ne rien retrancher de mes fautes dans cet écrit, puisqu'elles servent à mieux révéler les magnificences des bontés de Dieu et son inépuisable patience à l'égard d'une âme. Bénédiction sans fin à ce Dieu d'amour, plaise à Sa Majesté de me réduire en cendres plutôt que je cesse jamais de l'aimer. Chapitre 6. Guérison et retour au monastère. De ces 4 jours d'effroyable crise, il me resta des tourments intolérables, qui ne peuvent être connus que de Dieu. Ma langue était en lambeaux, à force de l'avoir mordue. N'ayant rien pris dans tout cet intervalle, faible d'ailleurs à me sentir étouffé, j'avais le gosier si sec qu'il se refusait à laisser passer même une goutte d'eau. Tout mon corps était comme disloqué, et ma tête dans un désordre étrange. Mes nerfs s'étaient tellement contractés, que je me voyais en quelque sorte ramassé en peloton. Voilà où me réduisirent ces 4 jours d'indicible douleur. Je ne pouvais, sans un secours étranger, remuer ni bras, ni pieds, ni mains, ni tête, aussi immobile que si j'eusse été morte. J'avais seulement, me semble-t-il, la force de mouvoir un doigt de la main droite. On ne savait comment m'approcher, tout mon corps était dans un état si lamentable, que je ne pouvais supporter le contact d'aucune main. Il fallait me remuer à l'aide d'un drap que 2 personnes tenaient chacune par un bout. Je restai ainsi jusqu'à Pâques fleurie, en 1536. Par bonheur, lorsqu'on me laissait tranquille, les douleurs venaient souvent à cesser. Un peu de repos goûté était alors, à mes yeux, un grand pas vers la guérison. Je craignais que la patience ne vînt à m'échapper. Grande fut donc ma joie quand je me vis délivré de douleurs si aiguës et si continuelles. Par intervalles, j'en éprouvais néanmoins encore d'insupportables. C'était quand une fièvre double car très violente, qui m'était restée, faisait sentir ses frissons. Je gardais aussi un profond dégoût pour toutes sortes d'aliments. Je voulus sur le champ retourner à mon monastère, et je m'y fis transporter en cet état. On reçut donc en vie celle qu'on avait attendue morte, mais avec un corps dont l'aspect aurait inspiré moins de pitié, s'il eût été privé de vie. Il n'y a pas de terme pour peindre l'excès de ma faiblesse, il ne me restait que les os, Cet état, comme je l'ai dit, se prolongea plus de 8 mois. Pendant près de 3 ans, je demeurai frappé d'une paralysie, qui allait, il est vrai, s'améliorant chaque jour. Lorsqu'à l'aide de mes mains je commençais à me traîner par terre, j'en rendis au Seigneur des actions de grâce. Au milieu de toutes ces souffrances, ma résignation ne se démentit pas un instant, et, si j'en excepte les premiers jours, je supportais avec une grande allégresse les maux de ces 3 années, trouvant qu'ils n'étaient rien en comparaison des douleurs et des tourments qui avaient précédé. Enfin j'étais pleinement soumise à la volonté de Dieu, quand il lui aurait plu de me laisser ainsi jusqu'à mon dernier soupir. Si je désirais guérir, c'était pour pouvoir me livrer à l'oraison dans la solitude, de la manière qui m'avait été enseignée, car dans l'infirmerie la chose ne m'était point facile. Je me confessais très souvent. Mon bonheur était de parler de Dieu. Toutes les religieuses en étaient édifiées, et elles ne pouvaient assez admirer la patience que le Seigneur me donnait. En effet, s'il ne m'eût soutenu de sa main, il eût été impossible d'endurer de si grandes douleurs avec un si grand plaisir. Je sentais alors les puissants effets de cette grâce d'oraison que le Seigneur m'avait accordée. Par elle, je comprenais en quoi consistait son amour. En ce peu de temps, elle avait fait germer en moi ces nouvelles vertus dont je vais parler, vertus encore faibles sans doute, puisqu'elles ne suffirent pas à me maintenir dans le sentier de la perfection. Je ne disais le moindre mal de personne, j'avais au contraire l'habitude d'empêcher toute détraction. Cette maxime était toujours présente à mon esprit, je ne devais ni me plaire à entendre, ni dire moi-même ce que je n'aurais pas voulu qu'on eût dit de moi. Fermement attaché à cette règle de conduite, je m'y montrais ordinairement fidèle. Parfois cependant, si l'occasion était pressante, il m'échappait quelque faute. Grâce à l'accent persuasif de mes paroles, les personnes avec qui je conversais contractèrent la même habitude. Le public en eut bientôt connaissance. Là où j'étais, les absents, disait-on, étaient à couvert des traits de la médisance, ils trouvaient la même sûreté auprès des personnes qui m'étaient, attachées par l'amitié ou par les liens du sang, et qu'ils se montraient dociles à mes leçons. Malgré cela, il me restait un grand compte à rendre à Dieu du mauvais exemple que je leur donnais en d'autres choses, plaise à sa divine majesté de me le pardonner. Je fus cause, il est vrai, bien des maux, mais, je dois aussi le dire, si j'ai eu à gémir sur quelques suites de ma vie imparfaite, mon intention fut néanmoins toujours droite. Je conservais le désir de la solitude, je me plaisais à traiter avec Dieu et à parler de lui, dès que je pouvais nouer un pareil entretien. J'y trouvais plus de plaisir et de charme que dans toute la politesse, ou pour mieux dire, dans la grossièreté des conversations du monde. Je me confessais, je communiais bien plus fréquemment, et j'en avais un ardent désir. La lecture des bons livres faisait mes plus chères délices. M'arrivait-il de commettre quelque offense contre Dieu? J'étais pénétré d'un très vif repentir, bien des fois. Je m'en souviens, je n'osais plus entrer en oraison, je redoutais comme un grand châtiment l'excès de la douleur que je devais y éprouver, pour avoir offensé un Dieu si bon. Ce sentiment de repentir s'accrut encore dans la suite, et il me faisait endurer un tourment auquel je ne saurais rien comparer. Jamais cependant la crainte n'y eut la moindre part. La cause unique était le souvenir des faveurs dont Dieu me comblait dans l'oraison, et la vue de l'ingratitude par laquelle je répondais à tant de bienfaits. C'était là ce qui m'accablait. Je me reprochais amèrement de répandre tant de larmes pour mes fautes, sans devenir meilleur. Je m'attristais de voir que, malgré toutes mes résolutions et tous mes efforts, je retombais, en m'exposant moi-même à l'occasion. Ses larmes me semblaient trompeuses, et mes fautes paraissaient encore plus grandes à mes yeux, quand je considérais combien Dieu me faisait la grâce de les pleurer et de m'en repentir. Je tâchais de m'en confesser dans le plus bref délai, et je faisais, ce me semble, tous mes efforts pour retourner en grâce. Tout le mal venait de n'en pas couper la racine par la fuite des occasions, et du peu de secours que je tirais des confesseurs. S'ils m'avaient déclaré le danger de mes entretiens avec les personnes du monde et l'obligation d'y renoncer, ils auraient, sans aucun doute, porté au mal un remède efficace, car, à aucun prix, je n'aurais consenti à passer sciemment un seul jour en état de péché mortel. Tous ces indices de la crainte du Seigneur en moi provenaient de l'oraison. Le meilleur était une crainte tellement absorbée dans l'amour, que la pensée du châtiment ne s'offrait même pas à mon esprit. Durant ces graves maladies, je fus constamment très attentive à veiller sur ma conscience, pour écarter de moi tout péché mortel. Infortunée, je désirais la santé pour mieux servir Dieu, et elle fut la cause de tout le dommage qu'éprouva mon âme. Me trouvant, si jeune encore, frappé de paralysie, et voyant le triste état où m'avaient réduite les médecins de la terre, je résolus de recourir à ceux du ciel pour obtenir ma guérison. Elle était l'objet de mes désirs, mais sans m'enlever cette grande allégresse avec laquelle je supportais mon mal, parfois même il me venait en pensée que, si le retour de mes forces se devait me perdre, il valait mieux pour moi rester ainsi. Je ne pouvais néanmoins ôter de mon esprit que, rendu à la santé, je servirais le Seigneur avec un dévouement beaucoup plus généreux. C'est là une de nos illusions de ne pas nous abandonner entièrement à la conduite de Dieu. Il sait mieux que nous ce qui nous convient. Je commençai donc à entendre des messes avec dévotion, et je récitais des prières très approuvées. Jamais je n'ai aimé ni pu souffrir certaines dévotions entre je ne sais quelle cérémonie, et où les femmes en particulier trouvent un attrait qui les trompe. Par le fait, on y a reconnu depuis un caractère superstitieux, et l'on a dû les condamner. Je pris pour avocat et pour protecteur le glorieux Saint Joseph et je me recommandai très instamment à lui. Son secours éclata d'une manière visible. Ce Père et protecteur de mon âme me tira de l'état où languissait mon corps, comme il m'a arraché à des périls plus grands d'un autre genre, qui menaçaient mon honneur et mon salut éternel. Je ne me souviens pas de lui avoir jamais rien demandé, jusqu'à ce jour, qu'il ne me l'ait accordé. Ces choses admirables que les grâces insignes dont Dieu m'a comblé, et les dangers, tant de l'âme que du corps, dont il m'a délivré par la médiation de ce bienheureux saint. Le Très-Haut donne grâce, semble-t-il, aux autres saints pour nous secourir dans tel ou tel besoin. Mais le glorieux Saint Joseph, je le sais par expérience, étend son pouvoir à tous. Notre Seigneur veut nous faire entendre par la queue, de même qu'il lui fut soumis sur cette terre. Reconnaissant en lui l'autorité d'un père et d'un gouverneur, de même il se plaît encore à faire sa volonté dans le ciel, en exauçant toutes ses demandes. C'est ce qu'ont vu comme moi, par expérience, d'autres personnes auxquelles j'avais conseillé de se recommander à ce protecteur. Aussi le nombre des âmes qui l'honorent commence-t-il à être grand. Et les heureux effets de sa médiation confirment de jour en jour la vérité de mes paroles. Je déployai pour sa fête tout le zèle dont j'étais capable. Plus par vanité que par esprit intérieur, je voulais qu'elle se célébrât avec la pompe la plus solennelle et avec la plus élégante recherche. En cela mon intention était droite, il est vrai, mais voici le côté fâcheux. Au moindre petit bien accompli avec le secours de la grâce divine, je mêlais des imperfections et des fautes sans nombre, tandis que pour le mal, la recherche et la vanité, je trouvais en moi une adresse et une activité admirables. Peu prie au Seigneur de me le pardonner. Connaissant aujourd'hui, par une si longue expérience, l'étonnant crédit de Saint Joseph auprès de Dieu, je voudrais persuader à tout le monde de l'honorer d'un culte particulier. Jusqu'ici j'ai toujours vu les personnes qui ont eu pour lui une dévotion vraie et soutenue par les œuvres, faire des progrès dans la vertu, car ce céleste protecteur favorise, d'une manière frappante, l'avancement spirituel des âmes qui se recommandent à lui. Déjà, depuis plusieurs années, je lui demande le jour de sa fête une faveur particulière, et j'ai toujours vu mes désirs accomplis. Lorsque ma prière s'écarte tant soit peu du but de la gloire divine, il la redresse afin de m'en faire retirer un plus grand bien. Si j'avais autorité pour écrire, je raconterais bien volontiers, dans un récit détaillé, les grâces dont tant de personnes sont comme moi redevables à ce grand saint, mais, pour ne pas sortir du cercle où l'obéissance m'a renfermé, je devrais, contre mon désir, passer rapidement sur certaines choses. Sur d'autres, je serai peut-être trop longue, tant je suis inhabile à garder dans le bien les limites de la discrétion. Je me contente donc de conjurer, pour l'amour de Dieu, ceux qui ne me croiraient pas, d'en faire l'épreuve. Ils verront par expérience combien il est avantageux de se recommander à ce glorieux patriarche, et de l'honorer d'un culte particulier. Les personnes de raison surtout devraient toujours l'aimer avec une filiale tendresse. Je ne comprends pas comment on peut penser à la reine des anges et à tout ce qu'elle essuya de tribulation, durant le bas âge du divin enfant Jésus, sans remercier Saint Joseph du dévouement si parfait avec lequel il vint au secours de l'un et de l'autre. Que celui qui ne trouve personne pour lui enseigner l'oraison choisisse cet admirable saint pour maître, il n'aura pas à craindre de s'égarer sous sa conduite. Paix au Seigneur que je ne me sois pas égaré moi-même en portant la témérité jusqu'à oser parler de lui. Je publie, il est vrai, le culte particulier dont je l'honore, mais, pour les actes tendant à le glorifier et pour l'imitation de ses vertus, je suis toujours resté bien en arrière. Enfin il fit éclater à mon égard sa puissance et sa bonté, grâce à lui, je sentis renaître mes forces, je me levai, je marchai, je n'étais plus frappé de paralysie, mais, hélas, je ne montrai que trop tôt toute la profondeur de ma misère, en faisant un mauvais usage d'un tel bienfait. Note. Une des gloires de la mission providentielle de Sainte Thérèse dans les derniers siècles a été de propager le culte de Saint Joseph dans toute l'Église catholique. Après tant de faveurs, aurait-on pu me croire si voisine d'une chute? Quoi, après avoir reçu de Dieu des vertus qui m'excitaient à le servir, après m'être vu aux portes de la mort et en si grand danger de me perdre, après avoir été ressuscité corps et âme, à la grande stupeur de tous ceux qui en furent témoins, tomber si tôt et devenir infidèle? Quel est ce mystère, Seigneur, et de combien de périls est semée cette triste vie? Au moment où je trace ces lignes, je pourrais, ce me semble, grâce à votre bonté et à votre miséricorde, dire comme saint Paul, sinon avec la même perfection du moins avec autant de vérité, ce n'est plus moi qui vis, vous seul, ô mon Créateur, vivez dans mon âme, si j'en juge par la tendre sollicitude avec laquelle, depuis quelques années, vous me tenez de votre main, si j'en crois des désirs et des résolutions non plus d'une fois, dans ces derniers temps, la sincérité a été prouvée par des œuvres. Ah, sans doute il doit m'échapper, sans les connaître, bien des offenses contre votre majesté, mais dans l'intime de mon âme je trouve une ferme résolution de ne blesser en rien votre volonté sainte. Pour votre amour, je me sens prête à tout entreprendre, à tout exécuter avec courage, et déjà, dans certaines entreprises, vous m'avez soutenue, Vous avez couronné mes efforts par le succès. Je n'aime ni le monde, ni rien de ce qui est à lui. Vous seul, ô mon Dieu, êtes le bonheur de mon âme, et hors de vous, tout m'est une pesante croix. Je puis me tromper, et de tels sentiments sont peut-être loin de moi. Vous m'en êtes cependant témoin, ô Seigneur, je sonde mon cœur, il me dit que je ne mens pas. Je tremble néanmoins, et avec beaucoup de raison, de me voir encore abandonné de vous. Je sais combien faible est mon courage, je connais mon peu de vertu, pour ne pas vous devenir infidèle, j'ai besoin de sentir sans cesse votre secours et l'appui de votre main. En ce moment même, ne suis-je pas abandonné de vous? Mes sentiments ne me trompent-ils pas? Plaise à votre majesté qu'il n'en soit pas ainsi. Je ne sais quel attrait peut avoir pour nous une vie où tout est si incertain. Il me semblait alors impossible, ô mon Seigneur, de vous abandonner tout à fait, mais comme je vous ai depuis si souvent délaissé, je ne puis me défendre d'un sentiment de crainte. Hélas, à peine étiez-vous tant soit peu éloigné de moi, que je faisais les plus tristes chutes. Soyez éternellement béni, je vous abandonnais, et vous, loin de m'abandonner entièrement, vous me tendiez sans cesse la main pour me donner la force de me relever. Souvent, Seigneur, je la repoussais, et je ne voulais pas entendre votre voix, qui me pressait de revenir. Ce que je vais dire sera la preuve de la vérité de ces dernières paroles. Chapitre 7. Une vie religieuse en crise. Bientôt, de passe-temps en passe-temps, de vanité en vanité, d'occasion en occasion, je me laissais entraîner à de si grands dangers et à une telle dissipation, que j'avais honte d'user avec Dieu de la familière amitié et de l'oraison. Une autre cause m'en détournait encore, mes fautes étant devenues plus nombreuses. La pratique de la vertu n'avait plus pour moi ce charme et ces douceurs qu'elle me faisait sentir auparavant. Je le voyais très clairement, ô mon Seigneur. La perte de ces délices intérieurs était la punition de mon infidélité. Je tombais alors dans le plus terrible piège que le démon pouvait me tendre, me voyant si infidèle. Je commençais, sous prétexte d'humilité, à craindre de faire raison. Il me semble qu'étant une des plus imparfaites, il valait mieux suivre le plus grand nombre et me contenter des prières vocales auxquelles j'étais obligée, digne de partager la société des démons. Je ne devais plus prétendre à cet entretien céleste et à un commerce si intime, avec Dieu. Enfin, il me venait en pensée que je trompais tout le monde. Ma conduite, en effet, n'avait à l'extérieur rien que de louable. Ainsi l'on ne saurait blâmer le monastère où j'étais de m'avoir si favorablement jugé. Je savais inspirer aux autres une bonne opinion de moi. J'y parvenais sans ombre de calcul ni de feinte. Grâce à Dieu, j'ai toujours eu en horreur l'hypocrisie et la vaine gloire. Ni ma conscience ni mes souvenirs ne me reprochent aucune faute de ce genre. Un premier mouvement d'amour-propre venait-il à s'élever dans mon cœur, j'en éprouvais une peine indicible, et le démon, vaincu chaque fois, me laissait avec le mérite d'une nouvelle victoire. Aussi n'a-t-il jamais osé me tenter que très faiblement de ce côté? Peut-être. Si Dieu lui eût permis de me livrer d'aussi rudes assauts sur ce point que sur d'autres, serais-je également tombé, mais, jusqu'à ce jour, ce Dieu de bonté m'a préservé d'une semblable chute. Qu'il en soit éternellement béni, je dois même le dire, me voir tenir en telle estime était pour moi, qui connaissais le secret de mon âme, un bien pesant fardeau. Voici pourquoi on ne pouvait croire à mon peu de vertu. On me voyait, si jeune encore et malgré tant d'occasions, me retirer souvent dans la solitude pour m'y occuper à la prière et à la lecture. Souvent je parlais de Dieu, j'aimais à faire peindre l'image de notre Seigneur dans plusieurs endroits, Je tenais à avoir un oratoire et à l'embellir de tout ce qui peut éveiller des sentiments de dévotion. Jamais je ne disais du mal de qui que ce fût, je pourrais ajouter d'autres choses de ce genre, qui, extérieurement, portaient l'empreinte de la vertu. Enfin, légère que j'étais, je me faisais valoir moi, même dans les choses qui sont pour le monde un titre d'estime. Pour ces raisons, on m'accordait autant et plus de liberté qu'aux plus anciennes religieuses, et l'on était dans une pleine sécurité sur mon compte. Il est vrai que jamais je n'aurais de moi-même pris la moindre liberté, ni rien voulu faire sans y être autorisé. Jamais je n'aurais pu me résoudre, par exemple, à parler par des fentes ou par-dessus les murailles ou à la faveur des ténèbres. Je n'ai jamais eu de pareils entretiens, parce que le Seigneur m'a soutenu de sa main, à mes yeux, car c'est de sang-froid, avec réflexion, que j'examinais bien des choses. Exposer l'honneur de tant d'excellentes religieuses était un crime, comme si d'autres actes que je me permettais eussent été bons. À la vérité, le mal que je commettais, quoique considérable, n'était pas aussi prémédité que l'aurait été celui-là. Ce qui me fit beaucoup de tort, à mon avis, ce fut de n'être pas dans un monastère cloîtré. Les autres religieuses, qui étaient d'une vertu prouvée, pouvaient user innocemment de la liberté dont elles jouissaient, leurs engagements ne les obligeaient à rien de plus, le vœu de clôture n'existait pas pour elles, mais pour moi, qui suis la faiblesse même, une pareille latitude m'aurait certainement conduite en enfer, si notre Seigneur, par tant de secours et par des grâces très particulières, ne m'avait arraché à ce péril. C'est pourquoi je regarde comme très dangereuse, dans un monastère de femmes, cette libre communication avec le dehors. Pour celles qui veulent mener une vie relâchée, c'est plutôt le chemin de l'enfer qu'un rempart pour leur faiblesse. Qu'on se garde bien d'appliquer ceci au monastère où j'habitais, florissant par la régularité. Il ne comptait pas parmi ceux dont l'accès était le plus facile. Il renfermait un grand nombre de religieuses sincèrement ferventes et d'une vie exemplaire. Notre Seigneur, dont la bonté est infinie, ne saurait cesser de favoriser de si dignes épouses. Mes paroles font allusion à d'autres couvents que je connais et que j'ai vus. Je le dis, je plains profondément celles qui y vivent. Elles ont besoin, pour se sauver, d'une vocation bien particulière, et de s'y sentir souvent affermies par notre Seigneur. Tant au milieu d'elles se trouvent autorisés les honneurs et les plaisirs du monde, oh, que les obligations de leur état y sont mal comprises. Plaise à Dieu qu'elles ne prennent point pour vertu ce qui est péché, comme cela m'arrivait souvent à moi-même, pour leur faire entendre la vérité. Il faut que notre Seigneur fasse briller une lumière bien vive au fond de leurs âmes, aux parents qui ne se préoccupent pas du salut de leurs filles, et les place dans un couvent où elles seront plus exposées que dans le monde. Je conseillerais de penser au moins à l'honneur de leur famille. Il vaudrait mieux les établir, quand même ce serait au-dessous de leur rang. Il serait pourtant excusable dans un cas, si s'ils voyaient en elles d'excellentes inclinations, et encore, plaise au ciel qu'un si riche fond de vertu leur serve de défense, s'ils ne prennent pas ce dernier parti, qu'ils les gardent dans la maison paternelle, là, si elles se comportent mal, leur conduite est bientôt découverte, dans ces monastères, elles peuvent longtemps se cacher, à la fin, notre Seigneur permet que le secret de leur vie soit connu, mais déjà leur conduite, funeste pour elles-mêmes, l'est devenue pour toutes les autres. Souvent ce n'est point la faute de ces pauvres filles, elles ne font que suivre le sentier qu'elles trouvent frayé, et il en est parmi elles un grand nombre qu'on ne saurait trop plaindre, quittant le monde pour en éviter les dangers, et pleine de l'espoir qu'elles vont servir le Seigneur, au lieu d'un monde, les infortunées en rencontrent 10, Elles ne savent plus ni comment vaincre, ni où trouver un appui. La jeunesse, la sensualité, le démon, les convient et les incline à certains actes d'une vie réellement mondaine, et qui, là, passent pour être en quelque sorte du domaine de la vertu. Triste illusion, que l'on peut comparer, jusqu'à un certain point, à l'aveuglement obstiné des hérétiques. Ces malheureux, fermant volontairement les yeux à la lumière, prétendent persuader qu'ils ont la vérité pour eux et qu'ils le croient ainsi, au fond ils n'en croient rien, une voix intérieure les avertit de leur erreur. Ô effrayant, ô lamentable mal, que des monastères d'hommes ou de femmes, je ne distingue pas en ce moment, où la régularité n'est plus en vigueur, où l'on voit deux sentiers, l'un de la vertu, l'autre du relâchement, et tous deux également suivis. Qu'ai-je dit, également, je me trompe, c'est, hélas, le moins parfait qui est le plus fréquenté, de ce côté se trouve le plus grand nombre, de ce côté sont les faveurs, par contre-coup, le chemin de la régularité reste presque désert, en sorte que le religieux et la religieuse qui veulent sérieusement remplir tous les engagements de leur sainte vocation, ont plus à redouter les personnes qui vivent sous le même toit que tous les démons ensemble. Il leur faut plus de réserve et de prudence pour parler de l'amour dont ils désirent brûler pour Dieu, que pour parler d'autres amitiés et d'autres liaisons que l'esprit de ténèbres forme dans les monastères. Pourquoi donc s'étonner de voir de si grands maux dans l'Église, lorsque ceux qui devraient être pour les autres des modèles de vertu, ont si tristement dégénéré de cette ferveur, que les saints, leurs devanciers, laissèrent, au prix de tant de travaux, dans les ordres religieux? Plaise à la Divine Majesté d'apporter à ces maux la remède qui doit les guérir. Amen. Ce long portrait, tracé d'une main vigoureuse, n'est pas flatteur. Malheureusement il n'est que trop vrai, et rappelle ce qu'ont laissé les historiens du XVIe siècle. Sans vouloir justifier tous les abus, ne soyons pas pourtant sévères à l'excès, et n'oublions pas comment se recrutaient alors ces couvents de femmes. Plus d'une jeune fille prenait le voile sans vocation, souvent même contre son gré, parce que sa famille ne pouvait pas la doter. Une fois dans le monastère, ses parents se préoccupaient peu de sa perfection, ils montraient même parfois beaucoup d'indulgence, et fermer les yeux sur des relations qu'ils n'auraient pas tolérées dans leur propre maison. Dès lors on comprend le conseil de Sainte Thérèse, qu'ils marient leurs filles, même au-dessous de leur rang, plutôt que de les mettre au couvent sans la vocation, l'honneur de leur famille est en jeu. Je commençais donc à m'engager dans ces conversations avec les personnes qui venaient nous visiter. Suivant en cela un usage établi, j'étais loin de penser qu'il dût en résulter pour mon âme autant de dommages et de distractions, mes yeux ne se sont dessillés que plus tard. Il me semblait que ces visites, si ordinaires en temps de monastère, ne me feraient pas plus de mal qu'à d'autres religieuses, dont la régularité frappait mes regards. Je ne considérais pas que, leur vertu l'emportant de beaucoup sur la mienne, le danger devait être bien moindre pour elle que pour moi, je ne puis néanmoins me défendre d'y voir toujours quelque péril, quand ce ne serait que la perte du temps. Comme je m'entretenais un jour avec une personne dont je venais de faire la connaissance, notre Seigneur daigna m'éclairer dans mon aveuglement, par un avis et un rayon intérieur de lumière. Il me fit comprendre que de telles amitiés ne me convenaient pas. Ce divin maître m'apparut avec un visage très sévère, me témoignant par là combien ces sortes d'entretiens lui causaient de déplaisir. Je le vis des yeux de l'âme, beaucoup plus clairement que je n'eusse pu le voir des yeux du corps. Son image se grava si profondément dans mon esprit, qu'après plus de 26 ans je la vois encore peinte devant mes yeux. L'effroi et le trouble me saisirent, Je ne voulais plus voir cette personne. Un grand mal pour moi, dans cette circonstance, fut d'ignorer que l'âme pût voir sans l'intermédiaire des yeux du corps. Le démon, pour me confirmer dans cette ignorance, me faisait entendre que c'était une chose impossible. Il me représentait ma vision comme une tromperie ou un artifice de l'esprit de ténèbres, et mettait en avant d'autres mensonges de ce genre. Il me restait néanmoins toujours un secret sentiment que ma vision venait de Dieu et n'était pas une illusion, mais comme elle ne flattait pas mon goût, je travaillais moi-même à me tromper. Je n'osais m'en ouvrir à qui que ce fût. Bientôt on me pressa de revoir une personne d'un aussi grand mérite, de tel rapport, m'assurait-on, loin de nuire à mon honneur, ne pouvait que lui donner un nouvel éclat. Ainsi les entretiens recommencèrent. À différentes époques je m'engageai dans d'autres conversations, je pris ce passe-temps empoisonné plusieurs années durant, sans le croire aussi nuisible qu'il l'était. Par intervalles, il est vrai, une clarté vivement découvrait le danger, mais aucun de ces entretiens ne dissipa mon âme autant que celui dont je viens de parler, parce que je portais beaucoup d'affection à cette personne. Une autre fois, tandis que je causais avec elle, nous vîmes venir vers nous, et d'autres personnes qui étaient présentes le virent aussi, une espèce de monstre semblable à un crapaud, d'une grandeur plus qu'ordinaire, mais beaucoup plus rapide dans sa course. Il m'a été impossible de m'expliquer comment, au lieu d'où il vint, il pouvait y avoir en plein midi un animal de ce genre, et jamais de fait on n'en avait vu là. L'impression que j'en reçus ne me semblait pas sans mystère, c'est un de ces avertissements dont je n'ai jamais perdu le souvenir. Ô grand Dieu, quelle était donc votre sollicitude pour moi, comme votre amour était sans cesse attentif à m'avertir, mais combien peux je sus en profiter? Dans ce monastère vivait une de mes parentes, religieuse vénérable par son âge, grande servante de Dieu, modèle accompli de régularité, elle aussi me donnait de temps en temps des avis, mais ses paroles, loin de me persuader, me causaient de l'ennui, je trouvais qu'elle se scandalisait sans raison. C'est à dessein que je rapporte ce fait. Il met au grand jour ma malice et la souveraine bonté de Dieu. Il fait voir combien une si affreuse ingratitude me rendait digne de l'enfer. Si, par le conseil du Seigneur et pour sa gloire, cet écrit tombe sous les yeux de quelque religieuse, puisse-elle s'instruire par mon exemple, je les supplie, pour l'amour de notre Seigneur, de fuir de semblables récréations. Plaise à Dieu que mes paroles désabusent l'une ou l'autre de toutes celles que j'ai trompées, en leur représentant ces récréations comme innocentes. À la vérité, en les rassurant sur un aussi grand danger, je ne voulais point les induire en erreur, mais j'étais dans l'aveuglement, et si, comme je l'ai dit, le mauvais exemple que je leur donnais fut cause de bien des maux, je ne me rendais pas compte de leur gravité. Dans les premiers temps de ma maladie, avant de savoir me conduire moi-même dans les voies spirituelles, je sentais un très ardent désir d'y faire avancer les autres. C'est une tentation fort ordinaire dans les commençants, je n'eus cependant qu'à m'en applaudir. Comme je chérissais tendrement mon père, je lui souhaitais le bien que j'avais trouvé dans l'oraison, on en pouvait, à mon sens, posséder de plus grand dans cette vie. Ainsi, par des détours et avec toute l'adresse dont j'étais capable, je lui persuadai de s'adonner à cet exercice, je lui procurai des livres à cette fin, comme il était très vertueux, il s'y appliqua avec une constante ardeur, et en 5 ou 6 ans, il y fit d'admirables progrès. Je ne me lassais pas d'en bénir Dieu, et j'en étais rempli de joie. Il eut de cruels travers à souffrir, sa résignation fut parfaite, il venait me voir souvent, et trouvait de la consolation à s'entretenir de Dieu avec moi. lorsque ma vie dissipée m'avait fait abandonner leur raison. Ce fut probablement vers l'an 1541. Mon père m'y croyait appliqué comme à l'ordinaire, je ne pus souffrir de le voir ainsi trompé. Je passai plus d'un an sans oser entrer dans ce commerce intime avec Dieu, pensant montrer ainsi plus d'humilité. Ce fut, comme je le dirai, la plus dangereuse tentation de ma vie, elle m'aurait infailliblement entraîné à ma perte. Avec l'oraison, je n'étais pas exempte de faute, il est vrai, mais du moins, si un jour il m'en échappait, je vivais les jours suivants plus profondément recueilli, et je m'éloignais avec plus de soin du danger. Mon père, dans sa bonté, pensait que je traitais avec Dieu comme auparavant, il m'en coûtait de le voir dans une pareille erreur, aussi je lui avouai que je ne faisais plus oraison. Mais je ne lui en dis pas la véritable cause, je me contentai de lui alléguer mes infirmités pour prétexte. De fait j'en avais alors, comme aujourd'hui, de bien grandes, quoique je fusse revenu de la maladie qui m'avait conduite au bord de la tombe. Si, dans ces derniers temps, elles sont un peu plus supportables, néanmoins elles ne s'en vont pas et me font souffrir de bien des manières, je dirais. En particulier, que pendant 20 ans il m'arrivait chaque matin de rejeter les aliments, en sorte que je ne pouvais rien prendre que l'après-midi, et quelquefois plus tard. Depuis que mes communions sont devenues plus fréquentes, c'est le soir, avant de m'endormir, que cela m'arrive, mais avec un surcroît de souffrance, car je suis forcé de provoquer moi-même ce vomissement avec une plume ou autre chose, et si je m'aide de le faire, je ressens un tourment plus cruel encore. Il est rare que je n'endure pas plusieurs douleurs en même temps, et parfois elles sont accablantes. Celles du cœur sont de ce nombre, mais elles ne sont pas continuelles comme autrefois, et ne me prennent que de loin en loin. Quant à cette opiniâtre paralysie, il n'est pas probable que la sainte désigne ici, par le mot perlesia, le même mal que celui dont elle a souffert pendant près de 3 ans, dans sa jeunesse, et qu'elle appelle au chapitre 6, Elestar Tulida. S'il en était ainsi, elle aurait été paralysée pendant environ 20 ans, puisque, écrivant entre 1561 et 1565, elle dit que depuis 8 ans seulement elle se voit affranchie de ce mal, ce qui ne paraît pas admissible. Et ces fièvres jadis fréquentes, je m'en vois affranchie depuis 8 ans. À l'heure qu'il est, je fais peu de cas des maux qui me restent, j'en ai plutôt de l'allégresse, dans la pensée que j'offre quelque chose à Dieu. Mon père resta donc convaincu, sur ma parole, que mes infirmités seules m'avaient fait suspendre l'oraison. Comme jamais il ne blessait la vérité, je n'aurais pas dû la blesser non plus, surtout en un pareil sujet. J'ai ajouté, pour le confirmer dans sa pensée, que c'était beaucoup pour moi de pouvoir remplir mon office au cœur, mais cela ne me justifiait nullement. La maladie n'est pas une cause légitime d'interrompre un exercice où, à défaut de force corporelle, l'amour et l'habitude suffisent. Dieu nous le facilite toujours, dès que nous en avons le désir, je dis toujours, et à dessein, car, si parfois la maladie et divers obstacles nous enlèvent quelques moments de solitude, alors même il en reste beaucoup d'autres où nous pouvons nous entretenir avec Dieu. Pour l'âme qui aime la véritable raison, durant la maladie et au milieu des obstacles, consiste à offrir à Dieu ce qu'elle souffre, à se souvenir de lui, à se conformer à sa volonté sainte, et dans 1000 actes de ce genre qui se présentent, voilà l'exercice de son amour. Il ne faut pas d'efforts violents pour entrer dans cet entretien intime, et l'on ne doit pas s'imaginer que l'on ne fait plus oraison dès que le temps et la solitude manquent. Je le répète, alors même que par les souffrances le Seigneur nous enlève les heures accoutumées de l'oraison, Nous pouvons, avec tant soit peu de vigilance, nous enrichir de grands biens. Pour moi, tant que je m'appliquais à garder ma conscience pure, j'eus le bonheur de trouver ces précieux trésors. Mon père, qui avait de moi une opinion si favorable et m'aimait si tendrement, crut tout et me plaignit. Comme il était déjà élevé à un haut degré de raison, il ne restait plus aussi longtemps avec moi. Après quelques instants d'entretien, il me quittait, disant que c'était du temps perdu. Moi, qui le dépensais en d'autres vanités, je n'étais guère sensible à cette perte. Dans le temps même où j'étais si infidèle, j'eus le bonheur de persuader non seulement à mon père, mais à d'autres personnes, la pratique de l'oraison. Dès que je voyais en elle cet attrait, je leur disais la manière de méditer, je leur prêtais des livres, enfin je travaillais à leur avancement. Comme je l'ai dit, ce désir de voir les autres servir le Seigneur s'était allumé dans mon âme. Dès que je commençais à faire oraison, je sentais que je ne servais pas Dieu selon ma conscience, et pour ne pas rendre inutiles les lumières qu'il m'avait données, il me semblait que je devais du moins substituer à ma place des âmes ferventes. Je dis ceci, afin qu'on voie la grandeur de mon aveuglement. Je négligeais mon salut, et je travaillais à sauver les autres. En ce temps, là mon père fut attaqué de la maladie dont il mourut, et qui ne dura que quelques jours, vers l'année 1541. J'allais lui donner mes soins, j'étais plus malade de l'âme qu'il ne l'était du corps, tant les vanités de la terre m'éloignaient de mon Dieu. À vrai dire pourtant, durant toute cette époque de mes plus grands égarements, jamais, autant que j'en pouvais juger, je ne fus en état de péché mortel. Car, pour rien au monde je n'aurais consenti à y demeurer sciemment. J'eus beaucoup à souffrir pendant la maladie de mon père, et si, durant les miennes, il m'avait prodigué ses soins au prix de tant de peine, je crois qu'alors je le payais un peu de retour. Accablé d'infirmité, je surmontais tout pour le servir. En le perdant, je le voyais. J'allais perdre un père qui avait toujours été pour moi un soutien, le charme et la consolation de ma vie. Mon courage fut assez grand pour concentrer ma douleur sans la laisser paraître à ses yeux, et jusqu'à sa mort, je parus calme. Je sentais cependant mon âme s'arracher en quelque sorte de mon corps, lorsque je voyais s'éteindre par degrés la vie d'un père que j'aimais de l'amour le plus tendre. Nous ne pouvions que bénir le Seigneur d'une mort si belle, de son ardent désir de quitter cette terre, et des touchants avis qu'il nous donnait après avoir reçu le sacrement de l'extrême onction. Il nous chargeait de le recommander à Dieu et d'implorer miséricorde pour lui. Il nous exhortait à servir toujours un si grand maître, et à considérer la rapidité avec laquelle tout passe. Il nous exprimait, avec larmes, son profond regret de n'avoir pas servi Dieu comme il le devait, et il ajoutait qu'à ce moment suprême, il s'applaudirait d'avoir vécu et de mourir religieux dans un ordre des plus austères. Je tiens pour très certain que, 15 jours avant de l'appeler à lui, notre Seigneur lui fit connaître sa fin prochaine. Auparavant, quoique la maladie fût grave, il ne pensait pas qu'elle fût mortelle, mais, depuis cet avertissement, sans tenir compte ni d'un mieux prononcé ni des paroles rassurantes des médecins, il ne s'occupa qu'à mettre ordre aux affaires de son âme. Ce qui le faisait souffrir le plus, c'était une douleur très vive des épaules, qui ne le quittait jamais. Parfois l'étreinte de la souffrance était si cruelle, qu'il en était accablé. Comme je savais avec quelle tendre dévotion, en méditant, il contemplait notre Seigneur Jésus-Christ portant sa croix, je lui dis que ce bon maître voulait lui faire sentir quelque chose des douleurs qu'il avait endurées dans ce mystère. Il puisa tant de consolation dans cette pensée, que dès ce moment je ne l'entendis plus se plaindre. Il resta 3 jours entièrement privé de connaissance, mais, le jour de sa mort, le Seigneur la lui rendit parfaite, ce qui nous surprit tout. Il la conserva ainsi jusqu'à la fin. Arrivé à la moitié du credo, qu'il récitait lui-même, il rendit doucement le dernier soupir. Dès ce moment il parut comme un ange, et il l'était, selon moi, par la beauté de son âme et les dispositions dans lesquelles il venait d'expirer. Je ne sais pourquoi j'ai raconté ceci, si ce n'est pour mettre plus en lumière mon infidélité envers Dieu, témoin d'une mort si belle et d'une vie si parfaite. N'aurais-je pas dû, pour ressembler un peu à un tel père, m'efforcer de vivre plus saintement? Son confesseur, religieux dominicain d'une éminente doctrine, père Vincent Baron, disait qu'il ne doutait point que mon père ne fût allé droit au ciel. Il y avait déjà quelques années qu'il le confessait, et il louait beaucoup sa pureté de conscience. Ce père, de l'ordre de Saint-Dominique, homme de grande vertu et rempli de la crainte du Seigneur, me fut très utile. Je me confessai à lui. Il prit à cœur mon avancement spirituel, m'ouvrit les yeux sur le danger que je courais, et me fit communier tous les 15 jours. Peu à peu, nos rapports devenant plus intimes, je lui parlai de ma conduite au sujet de l'oraison. Il me dit que je ne devais point l'abandonner, elle ne pouvait que me faire du bien. Je la repris donc, et depuis je ne l'ai plus quittée, mais je ne m'éloignais pas pour cela des occasions. La vie que je menais était très pénible, parce qu'à la lumière de l'oraison je voyais mieux mes fautes. D'un côté Dieu m'appelait, et de l'autre je suivais le monde. Je trouvais dans les choses de Dieu de grandes délices, mais les chaînes du monde me tenaient encore captive. Je voulais, ce semble, allier ces deux contraires, si ennemis l'un de l'autre, la vie spirituelle avec ses douceurs, et la vie des sens avec ses plaisirs. J'avais à soutenir dans l'oraison une lutte cruelle, parce que l'esprit, au lieu de rester le maître, était esclave. Aussi je ne pouvais, selon ma manière de prier, m'enfermer au-dedans de moi, sans y enfermer en même temps 1000 pensées vaines. Plusieurs années s'écoulèrent de la sorte, et je m'étonne maintenant d'avoir pu tenir sans abandonner l'un ou l'autre. Je sais néanmoins qu'il n'était pas en mon pouvoir d'abandonner l'oraison, une main puissante y me retenait, la main de celui dont l'amour me réservait de plus grandes faveurs. Au ciel, pourrais-je raconter comment, durant 16 années, Dieu m'éloignait des occasions, et comment je m'y engageais de nouveau? De quel danger n'a-t-il pas sauvé ma réputation? Moi, par des œuvres, je trahissais au dehors le secret de ma misère, lui, jetant un voile sur toutes mes fautes, se plaisait à découvrir une petite vertu qui venait à peine de germer dans mon âme, et il la faisait paraître grande à tous les yeux. Ainsi je me voyais constamment entouré d'une estime profonde. En vain de temps en temps ma faiblesse perçait, elle au dehors, on n'y croyait pas. Le bien que je faisais frapper seul les regards, celui dont la sagesse embrasse toute chose, avait vu d'avance qu'il en devait être ainsi, afin que plus tard, lorsqu'il s'agirait de son service, on donnât quelque crédit à mes paroles. Sa souveraine munificence, sans s'arrêter à la grandeur de mes péchés, ne considérait que mon ardent désir de lui plaire et ma peine de me sentir trop faible pour y parvenir. Ô Seigneur de mon âme, où trouver des termes pour retracer les grâces dont vous me comblâtes durant 16 années, pour dire comment, dans le temps où je vous offensais le plus, vous me disposiez soudainement, par un si vif repentir, à goûter vos douceurs et vos divines caresses? À la vérité, ô mon roi, vous n'auriez pu inventer, pour me punir, un châtiment plus délicat ni plus cruel. Vous saviez ce qui ferait à mon cœur une plus vive blessure, et pour vous venger de mes fautes, vous m'inondiez de délices, Non, ce n'est pas le délire, je l'atteste, qui m'arrache ces paroles. Cloaque toute ma raison dû céder en ce moment au souvenir de mon ingratitude et de ma méchanceté. Avec mon caractère, il m'était infiniment plus cruel, quand j'étais tombé dans de grandes fautes, de recevoir des faveurs que des châtiments. Oui, une seule de ces grâces me confondait, m'accablait, me faisait plus rentrer dans mon néant que plusieurs maladies, jointes aux plus fortes tribulations. Dans celle-ci, du moins, je voyais un châtiment mérité, et une satisfaction, très légère sans doute, pour mes nombreux péchés, mais me voir comblé de nouvelles faveurs, quand je répondais si mal à celles que j'avais reçues, était pour moi un tourment bien terrible. Et ce tourment se fera sentir, je n'en doute point, à tous ceux qui ont quelque connaissance et quelque amour de Dieu. Il suffit, pour le comprendre, d'interroger les sentiments d'un cœur noble et vertueux. Ainsi donc, ce qui m'arrachait des larmes et me causait de l'ennui, c'était de voir ce que Dieu me faisait éprouver, et d'être néanmoins sans cesse à la veille de l'offenser. Je dois le dire pourtant, dans ces moments-là, mes désirs, comme mes résolutions, étaient fermes et sincères. C'est un grand malheur pour une âme de se trouver seule au milieu de tant de périls. Quant à moi, il me semble que si j'avais pu m'ouvrir à fond à quelqu'un, cela m'aurait été d'un grand secours. La crainte de Dieu ne me retenant pas, la honte du moins n'aurait prévenu mes chutes. C'est pourquoi je conseillerais à ceux qui s'adonnent à l'oraison, de rechercher, surtout dans les commencements, l'amitié et le commerce de personnes qui s'y appliquent également. Quand on ne ferait que céder mutuellement en priant les uns pour les autres, ce serait déjà un avantage immense, mais cet avantage n'est pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres non moins précieux. Si dans les relations et les commerces profanes de cette vie, on cherche des amis, si l'on goûte auprès de tant de bonheur, si l'on savoure plus délicieusement les vains plaisirs dont on jouit, en leur en faisant confidence, pourquoi, je le demande, ne serait-il pas permis à celui qui aime Dieu et qui veut sincèrement le servir, d'avoir des amis et de leur faire part des joies et des peines que l'on trouve toujours dans l'oraison, s'il veut être sincèrement à Dieu, qu'il n'ait point peur de la vanité? Il pourra bien en sentir les premiers mouvements, mais il en triomphera, et il comptera un mérite de plus. Dès qu'il est animé d'une intention droite, il verra une telle ouverture de cœur tournée à son avantage et à celui de ceux qui l'écoutent, il en sortira avec des lumières plus vives, et plus capable d'instruire ses amis. Celui à qui de tels entretiens inspiraient de la vanité, en aurait aussi d'entendre publiquement la messe avec dévotion, ou d'accomplir quelque autre devoir que l'on ne peut omettre par appréhension de la vaine gloire, sous peine de n'être pas chrétien. Non, je ne saurais dire l'immense utilité de ces rapports spirituels pour des âmes qui ne sont point encore affermies dans la vertu, qui ont à lutter contre tant d'adversaires, et même contre tant d'amis, toujours prêts à les porter au mal. Je ne saurais m'empêcher de voir, dans cette tactique dont use le démon, un artifice fort avantageux pour lui. Il porte les âmes fidèles à tenir dans un profond secret leur désir d'aimer Dieu et de lui plaire, mais il excite les âmes esclaves du siècle à révéler au grand jour leur honteuse affection. Ce sont tellement là les manières du monde, c'est un usage si établi, qu'on en fait de gloire. Et l'on ne craint pas de publier ainsi des offenses très réelles contre Dieu? Ce que je dis n'a peut-être pas de sens, dans ce cas, mon père, déchirez ces pages. S'il en est autrement, veuillez, je vous en conjure, venir au secours de ma simplicité, en complétant ce que je n'aurais dit que d'une manière fort imparfaite. On déploie de nos jours si peu d'énergie dans ce qui regarde le service de Dieu, Les personnes déterminées à le servir ont bien besoin, pour aller en avant, de se soutenir les uns les autres. De toutes parts on applaudit à ceux qui s'abandonnent aux vanités et aux plaisirs du siècle, sur ces esclaves du monde. Peu de gens ont les yeux ouverts, mais quelqu'un s'enrôle-t-il sous la bannière du Seigneur, il se voit soudain blâmé par un si grand nombre, qu'il lui est nécessaire de chercher compagnie pour se défendre, jusqu'à ce qu'il ait assez de force pour se mettre au-dessus d'un tel déchaînement. Sans cet appui d'amis fidèles, il se verrait dans de pénibles angoisses. Cette injustice des gens du monde est ce qui a porté, je pense, quelques saints à s'enfuir dans les déserts. Il est de l'humilité de se défier de soi, et de croire que Dieu nous donnera des secours par le moyen de ceux auxquels un saint commerce nous lie. Cette mutuelle communication la croix à la charité, enfin, il y a mis l'avantage, et je n'aurais pas la témérité de parler ainsi, si une longue expérience ne m'avait démontré l'importance du conseil que je donne. Je suis, il est vrai, la plus faible et la plus imparfaite de toutes les créatures qui a jamais vu le jour. Je pense cependant que même une âme forte ne perdra rien à ne pas se croire telle, et à s'en rapporter humblement sur ce point au jugement de l'expérience. Pour moi, je puis le dire, si le Seigneur ne m'eût découvert cette vérité, et s'il ne m'eût donné des relations habituelles avec des personnes de raison, je crois qu'avec cette alternative continuelle de faute et de repentir, j'aurais fini par tomber la tête la première dans l'enfer. Pour m'aider à faire des chutes, je n'avais que trop d'amis, mais pour me relever, je me trouvais dans une effrayante solitude. Je m'étonne maintenant que je ne sois pas resté dans l'abîme, louange à la miséricorde de Dieu, car lui seul me tendait la main. Qu'il en soit béni à jamais. Amen. Chapitre 8. Le combat de la prière. Ce n'est pas sans dessein que je me suis tant appesanti sur cette époque de ma vie, ainsi triste exposé ne plaira, je le vois bien, à aucun de ceux qui le liront. Aussi avec quelle sincérité je souhaite qu'ils me prennent en horreur, en voyant cette lutte obstinée d'une âme ingrate contre celui qui l'avait comblée de tant de faveurs, que je regrette de ne pouvoir dire toutes les infidélités dont je me rendis coupable envers Dieu, durant 16 années, pour ne m'être point appuyé à cette forte colonne de l'oraison. Pendant près de 20 ans, je traversais cette mer pleine d'orages. Je tombais, je me relevais, faiblement sans doute, puisque je retombais encore. Me traînant dans les plus bas sentiers de la perfection, je ne m'inquiétais presque pas des péchés véniels, et quant aux mortels, je n'en avais pas une assez profonde horreur puisque je ne m'éloignais pas des dangers. Je puis le dire, c'est là une des vies les plus pénibles que l'on puisse s'imaginer. Je ne jouissais point de Dieu, et je ne trouvais point de bonheur dans le monde. Quand j'étais au milieu des 20 plaisirs du monde, le souvenir de ce que je devais à Dieu venait répandre l'amertume dans mon âme, et quand j'étais avec Dieu, les affections du monde portaient le trouble dans mon cœur. C'est une guerre si cruelle, que je ne sais comment j'ai pu la soutenir, je ne dis pas durant tant d'années, mais à moi seulement. Toutefois, je vois clairement que Dieu usa à mon égard d'une bien grande miséricorde, en me conservant, au milieu de mes relations avec le monde, la hardiesse de faire oraison. C'est à dessein que je me sers de ce mot, je ne connais pas en effet ici, bas de hardiesse comparable à celle d'un sujet qui trahit son roi, et qu'il sachant que sa trame est connue de lui, ose néanmoins rester toujours en sa présence. Tout, il est vrai, nous sommes constamment sous l'œil de Dieu, mais l'âme qui s'adonne à l'oraison s'y trouve, à mon avis, d'une manière spéciale, elle s'aperçoit que Dieu la considère tandis que les autres peuvent oublier, même pendant plusieurs jours, que cet œil divin ne les perd pas de vue ni seul instant. Je dois néanmoins en convenir, Je compte dans le cours de 16 années plusieurs mois, et quelquefois une année entière de fidélité généreuse, m'appliquant avec ardeur à l'oraison. J'évitais avec soin les moindres fautes et je prenais de sérieuses précautions pour ne pas offenser le Seigneur. L'exacte vérité qui présida, mon récit m'oblige à signaler ce fait, mais il ne me reste qu'un faible souvenir de ces jours heureux, ils durent être sans doute en plus petit nombre que les mauvais, néanmoins, il s'en écoula peu où je n'ai consacré un temps considérable à l'oraison, excepté quand j'étais très malade ou très occupé. Lorsque mon corps souffrait, l'union de mon âme avec Dieu était plus intime, je tâchais de procurer le même bonheur aux personnes qui m'entouraient, je le demandais au ciel pour elles, et je leur parlais souvent de Dieu. Ainsi, sauf l'année que je viens de mentionner, sur 28 ans écoulés depuis que je commençais à faire oraison, j'en ai passé plus de 18 dans ce combat et cette lutte d'une âme partagée entre Dieu et le monde. Durant les autres années dont il me reste à parler, si la cause de la guerre fut différente, les assauts à soutenir ne furent pas moins rudes, mais la pensée d'être au service de Dieu, et la vue du néant du monde, était un baume qui adoucissait tout, comme je le dirai dans la suite. Deux raisons m'ont déterminé à raconter avec tant de soin ces particularités, la première, pour faire voir la miséricorde de Dieu et mon ingratitude, la seconde, pour faire comprendre de quel inestimable trésor Dieu enrichit une âme en la disposant à s'adonner résolument à l'oraison. Quoique cette âme ne réponde pas comme elle le devrait, à une si grande grâce, cependant, si elle persévère malgré les tentations, malgré les péchés et les mille sortes de chutes où le démon essaiera de l'entraîner, notre Seigneur, j'en suis sûr, la conduira enfin au port du salut, comme il semble m'y avoir conduite. Plaise à sa divine bonté que je ne m'expose pas de nouveau au naufrage. Plusieurs auteurs, qui unissaient la sainteté à la science, ont fait d'excellents traités sur les avantages de l'oraison mentale, et nous devons en bénir Dieu, mais quand il ne l'aurait pas fait, malgré mon peu d'humilité, je ne serais point assez orgueilleuse pour oser en parler. Instruite par l'expérience, je me permettrai seulement de dire, quelque faute que commettent ceux qui commencent à faire oraison, ils ne doivent pas l'abandonner, par elle, ils pourront s'en corriger, sans elle, ce sera beaucoup plus difficile. Qu'ils se tiennent également en garde contre le démon, qui, sous couleur d'humilité, les tentera d'y renoncer, comme il l'a fait pour moi. Qu'ils croient à la parole infaillible du Seigneur, un repentir sincère et une ferme résolution de ne plus l'offenser le désarme, il nous rend son amitié. Il nous fait les mêmes grâces qu'auparavant, souvent même de plus grandes, si la vivacité de notre repentir le mérite. Quant à ceux qui ne s'adonnent pas encore à l'oraison, je les conjure de ne pas se priver d'un bien si précieux. Là, rien à craindre et tout à désirer. Les progrès seront lents, soit, on ne fera pas de généreux efforts pour atteindre la perfection, ni pour se rendre digne des faveurs et des délices que Dieu accorde aux parfaits, soit encore. Mais, du moins, on apprendra peu à peu à connaître le chemin du ciel. Et si l'on y marche avec persévérance, j'attends tout de la miséricorde de Dieu, ce n'est pas en vain qu'on le choisit pour ami, car, d'après moi, l'oraison n'est qu'un commerce d'amitié, où l'âme s'entretient seule à seule avec celui dont elle sait qu'elle est aimée. Mais vous ne l'aimez pas encore, direz-vous ? N'importe, pour que l'amour soit vrai et l'amitié durable, il faut, j'en conviens, la ressemblance d'inclination, et Jésus-Christ, on le sait, n'a pas l'ombre d'un défaut, tandis que nous avons un naturel vicieux, sensuel, ingrat. Il doit, dès lors, Vous en coûtez d'aimer d'un parfait amour un Dieu dont les inclinations sont différentes des vôtres, mais la vue d'une amitié si avantageuse pour vous, et qui part d'un cœur si amant, doit être assez puissante pour vous faire passer par-dessus les difficultés que vous éprouvez à rester longtemps avec celui qui est si différent de vous. Ô bonté infinie de mon Dieu, je viens, ce me semble, de peindre au naturel ce qui se passe entre vous et moi. Ô délice des anges, je voudrais à cette vue me consumer d'amour pour vous. Oui, vous souffrez en votre présence celui que votre société fatigue. Ô mon maître, quel excellent ami vous êtes à son égard, quel témoignage d'amour vous lui prodiguez, quelle bonté à le supporter, à l'attendre, avec quelle condescendance, jusqu'à ce qu'il se plie à votre humeur, vous daignez-vous prêter à la sienne? Vous lui tenez compte, Seigneur, de quelques moments qu'il donne à votre amour, et un instant de repentir vous fait oublier toutes ses offenses. Je l'ai vu clairement pour moi, et je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'aspirerait pas à s'approcher de vous par une amitié si intime. Que les méchants, dont les inclinations sont différentes des vôtres, consentent à passer seulement 2 heures par jour en votre compagnie, même avec un esprit emporté loin de vous, comme, jadis le mien, par 1000 préoccupations et 1000 pensées du monde, et vous les rendrez bons, en retour de l'effort qu'ils feront pour rester en si bonne société, et fort indispensable dans les commencements, et quelquefois même dans la suite, vous, Seigneur, vous empêcherez les démons de les attaquer, vous affaiblirez l'empire de ces esprits de ténèbres, et vous donnerez à vos serviteurs la force de triompher. Vie de toutes les vies, vous ne tuez aucun de ceux qui se confient en vous et qui veulent vous avoir pour ami. En donnant la vie à l'âme, il vous plaît de donner même au corps une nouvelle vigueur. Je ne comprends pas les craintes de ceux qui redoutent de commencer à faire l'oraison mentale. Je ne sais vraiment de quoi ils ont peur. Mais le démon sait bien ce qu'il fait. Il nous cause un mal réel quand, par ses vaines terreurs, il nous empêche de penser à Dieu, à nos devoirs, à nos péchés, à l'enfer, au paradis, aux travaux et aux douleurs que notre Seigneur endura pour nous. Tel fut, au milieu des dangers, toute mon oraison, telles étaient les vérités que je m'appliquais à approfondir, lorsque je le pouvais. Mais très souvent, et pendant des années, je me préoccupais moins d'utiles et saintes réflexions, que du désir d'entendre l'horloge m'annoncer la fin de l'heure consacrée à la prière. Bien des fois, je l'avoue, j'aurais préféré la plus rude pénitence au tourment de me recueillir pour l'oraison. C'est un fait certain, j'avais à lutter énergiquement contre le démon ou ma mauvaise habitude pour me mettre en oraison, et en entrant dans l'oratoire, je me sentais saisi d'une telle tristesse, que je devais pour me vaincre faire appel à tout mon courage, qui, dit-on, n'est pas petit. Dieu me l'a donné bien supérieur à celui d'une femme, comme on l'a vu en plus d'une circonstance, seulement, j'en ai fait un mauvais usage. Le Seigneur venait enfin à mon aide, et lorsque je m'étais ainsi vaincu, je goûtais plus de paix et de délices qu'à certains jours où l'attrait m'avait conduite à la prière. Si Dieu me supporta si longtemps malgré tant de misère et si, comme il est visible, il me fit trouver dans l'oraison le remède à tous mes maux, quel est celui, si méchant qu'il soit, qui devra craindre de s'y appliquer? Certes, il ne se rencontrera personne qui, après avoir reçu de Dieu de si grandes grâces, persévère dans sa méchanceté autant d'années que je l'ai fait, qui pourrait manquer de confiance, en voyant combien de temps il m'a soufferte, uniquement parce que, désirant sa compagnie, je m'efforçais de trouver des heures et de la solitude pour être avec lui. Souvent même, loin de céder à l'attrait, j'avais à surmonter, ou plutôt le Seigneur surmontait, en moi une extrême répugnance. Si leur raison est un si grand bien, une nécessité même pour ceux qui, loin de servir Dieu, l'offensent, si par elle-même elle n'offre aucun danger, tandis qu'il y en a de grands à vivre sans elle, pourquoi ceux qui servent le Seigneur et veulent lui être fidèles renonceraient ? Ils à s'y exercer, je ne le comprends pas, à moins que ce ne soit pour aggraver les peines de la vie, et pour fermer leur âme à celui qui pourra y répandre la consolation. En vérité, je les plains. Ils servent Dieu à leurs dépens, il n'en est pas ainsi de ceux qui font oraison, cet adorable maître fait les frais pour eux en échange d'un peu de peine. Il leur donne des consolations qui leur permettent de porter toutes les croix. Comme je dois traiter au long des douceurs dont sa divine majesté favorise ceux qui persévèrent dans l'oraison, je n'en parlerai point ici, je dirai seulement, Dieu n'accorde les grâces si élevées qu'il m'a faites que par l'oraison. Si nous lui formons cette porte, je ne vois pas comment il pourrait nous les donner. En vain voudrait-il entrer dans une âme pour y prendre ses délices et l'en inonder. Il ne trouve aucun chemin ouvert, car pour de telles faveurs, il la veut seule, pure et enflammée du désir de les recevoir. Mais si nous hérissons d'obstacles les avenues de notre âme, sans nous mettre en peine de les enlever, comment viendra-t-il à nous, et comment voulons-nous qu'il nous fasse des faveurs de si grand prix ? Pour qu'on voie sa miséricorde, et l'avantage considérable que je retirai de n'avoir abandonné ni l'oraison ni la lecture, je dévoilerai ici, vu l'importance du sujet, la batterie mise en jeu par le démon pour gagner une âme, et le divin artifice, la miséricorde du Seigneur, pour la rappeler à lui. Mes paroles, je l'espère, feront éviter les dangers que je n'ai pas évités moi. Même, ce que je demande avant tout, au nom de notre Seigneur, au nom de cet ineffable amour avec lequel ce tendre maître travaille à nous ramener à lui, c'est qu'on s'éloigne des occasions. Dès qu'on s'y engage, plus de sécurité. Il y a trop d'ennemis pour l'attaque, et en nous trop de faiblesse pour la défense. Je voudrais savoir peindre la captivité où gémissait alors mon âme, je voyais bien qu'elle était captive, mais je ne pouvais comprendre en quoi, j'avais aussi de la peine à me rendre au témoignage de ma conscience, qui voyait tant de mal dans des choses jugées légères par mes confesseurs. Un d'eux, à qui je faisais part de mon scrupule, me dit un jour que, quand bien même je serais élevé à une sublime contemplation, ses compagnies et ses entretiens n'auraient aucun inconvénient pour moi, ceci eut lieu vers les derniers temps, à cette époque j'avais déjà commencé, Dieu aidant, à m'éloigner avec plus de soin des grands périls, mais je ne fuyais pas encore entièrement les occasions, mes confesseurs, voyant mes excellents désirs et tout le temps que je donnais à l'oraison, s'imaginaient que je faisais beaucoup, mais mon âme se sentait loin de cette fidélité que lui imposait tant de célestes faveurs. Pauvre âme, qu'elle eut alors à souffrir ? Quand je songe qu'elle se vit sans presque aucun secours, si ce n'est de la part de Dieu, et avec une pleine liberté de s'abandonner à des passe-temps et à des plaisirs qu'on disait permis, je ne puis maintenant m'empêcher de la plaindre. Un autre tourment pour moi, et il n'était pas petit, c'était les sermons. J'aimais extraordinairement à les entendre. Quand je voyais un prédicateur éloquent et zélé, je sentais pour lui spontanément un amour tout particulier, et je ne savais d'où me venait un tel sentiment. En vain un discours était-il défectueux et jugé tel par les autres. Je l'écoutais toujours avec plaisir, mais lorsqu'il était bon, alors j'en éprouvais une vraie joie. Au reste, depuis que j'avais commencé à faire oraison, je ne pouvais en quelque sorte me lasser jamais de parler ou d'entendre parler de Dieu, mais, si d'un côté j'éprouvais une consolation si vive à entendre la parole des prédicateurs, de l'autre elle faisait mon tourment. car elle était pour mon âme un miroir fidèle, où je me voyais bien différent de ce que j'aurais dû être. Je conjurais le Seigneur de venir à mon secours, mais il manquait, ainsi que j'en juge maintenant, une condition à ma prière. Il lui fallut mettre entièrement ma confiance en Dieu, et n'en avoir plus aucune en moi-même. Je cherchais activement un remède à mes maux, mais je ne comprenais pas, sans doute, que tous nos efforts servent de peu. Si nous ne renonçons entièrement à la confiance en nous-mêmes pour nous confier uniquement en Dieu, je désirais vivre, car je le sentais, ce n'était pas vivre que de me débattre ainsi contre une espèce de mort. Mais nul n'était là pour me donner la vie, et il n'était pas en mon pouvoir de la prendre. Celui qui pouvait seul me la donner avait raison de ne pas me secourir, il m'avait tant de fois ramené à lui, et je l'avais toujours abandonné. Chapitre 9. La conversion. Mon âme fatiguée aspirait au repos, mais de tristes habitudes ne lui permettaient pas d'en jouir. Or, il arriva un jour qu'entrant dans un oratoire, j'aperçus une image de Jésus-Christ couvert de plaies, qui se trouvait là pour être exposée dans une fête prochaine. Elle était si touchante, c'était une représentation si vive de ce que notre Seigneur endura pour nous, qu'en voyant le divin Maître dans cet état, je me sentis profondément bouleversé. Au souvenir de l'ingratitude dont j'avais payé tant d'amour, je fus saisi d'une si grande douleur qu'il me semblait sentir mon cœur se fendre. Je tombai à genoux près de mon Sauveur, en versant un torrent de larmes, et je le suppliai de me fortifier enfin de telle sorte que je ne l'offense plus désormais. J'avais pour la glorieuse Sainte Madeleine une tendre dévotion. Très souvent ma pensée s'occupait avec bonheur de sa conversion, surtout lorsque je venais de communier. Certaine alors que le divin Maître était présent en moi, je me tenais à ses pieds, je les arrosais de larmes qui, ce me semble, ne devaient point lui déplaire. Je ne savais ce que je disais, mais c'était de sa part trop de faveur d'agréer ce tribut de mes larmes, puisque le sentiment qui en était la source devait sitôt s'effacer de mon âme. Je me recommandais à cette glorieuse sainte et je la conjurais d'obtenir mon pardon. Jamais, je crois, elle ne se montra aussi propice à ma prière que dans la circonstance dont je parle. Cessant dès lors de me fier à moi-même, je mis en ce bon Maître toute ma confiance. Je lui dis, me semble-t-il, que je ne me lèverais point de là qu'il n'eût favorablement accueilli ma prière. Je tiens pour certain qu'il l'exauça, car dès ce jour je ne cessais plus de faire de rapides progrès. Comme je ne pouvais discourir avec l'entendement, voici quelle était ma manière d'oraison. Je tâchais de me recueillir et de considérer notre Seigneur présent au-dedans de moi. Mon âme retirait, ce me semble, plus de profit de la contemplation des mystères où je le voyais plus délaissé. Seul et plongé dans la peine, notre divin Maître devait, selon moi, à cause de son abandon même, se sentir porté à m'admettre en sa présence. J'avais beaucoup de simplicité de ce genre. Je méditais avec prédilection sa prière au jardin des Olives. Là, je me plaisais à lui tenir compagnie. Je considérais la sueur et la tristesse qu'il avait endurée en ce lieu. J'aurais voulu, si j'avais pu, essuyer cette sueur si douloureuse, mais, il m'en souvient, je n'osais jamais le tenter. Je me sentais arrêté par la vue de mes péchés. Je restais ainsi avec notre Seigneur autant que mes pensées me le permettaient, car j'en avais bon nombre d'importunes qui faisaient mon tourment. Pendant plusieurs années, presque tous les soirs avant de m'endormir, au moment où je ferais à Dieu le repos de la nuit, je pensais quelques instants à ce mystère de l'oraison de Jésus-Christ dans le jardin. Je le faisais avant même d'être religieuse, parce qu'on gagnait par là, m'avait-on dit, beaucoup d'indulgence. mon âme, j'en suis convaincu, en retira un très grand profit. Je commençais ainsi à faire oraison sans savoir ce que c'était. J'avais contracté l'habitude de cette pieuse pratique, et j'y étais aussi fidèle qu'à faire mon signe de croix avant de m'endormir. À propos de ce tourment des pensées importunes dont je viens de parler, je signalerai un caractère spécial de ce genre d'oraison où l'entendement n'est point occupé à discourir, c'est que l'âme y est tout profondément recueillie, ou cruellement désolée par les distractions. Si elle avance, c'est un grand pas, parce que c'est un progrès tout d'amour, mais il lui en coûte beaucoup pour en arriver là, à moins qu'il ne plaise à notre Seigneur de l'élever en très peu de temps à l'oraison de quiétude, comme il l'a fait pour quelques personnes que je connais. Les âmes qui marchent par cette voie se serviront avec utilité d'un livre, afin de se recueillir en peu de temps. Un autre secours pour moi, c'était la vue des champs, de l'eau, des fleurs, ces objets m'élevaient vers le Créateur. Ils me faisaient entrer dans un saint recueillement et me tenaient lieu de livre. Je me servais utilement aussi du souvenir de mon ingratitude et de mes péchés. Pour ce qui est de me peindre sous des images les objets célestes ou sublimes, jamais mon entendement grossier n'en a été capable. Il a plu au Seigneur de les montrer à mon âme par une voie différente. D'autres, à l'aide d'une imagination vive, se représentent ce qu'ils veulent méditer et se recueillent ainsi. Chez moi cette faculté se trouvait si inerte, qu'il ne pouvait en aucune façon me peindre ce que je ne voyais pas des yeux du corps. Il n'y avait qu'une chose en mon pouvoir, c'était de penser à Jésus-Christ en tant qu'homme. Mais en vain les livres me faisaient la peinture de sa beauté, en vain ces images frappaient chaque jour mes regards. Jamais il ne me fut possible de me représenter intérieurement ses traits. Figurez-vous un aveugle, ou quelqu'un au milieu d'une obscurité profonde, s'entretenant avec une autre personne, il sait certainement et il croit que cette personne est là, puisqu'il l'entend, mais il ne la voit point. Ainsi en était-il de moi lorsque je pensais à notre Seigneur. C'est pour cette raison que j'aimais tant les images. Oh, qu'ils sont à plaindre, ces malheureux qui, par leur faute, se privent d'un si grand bien. On voit clairement par là qu'ils n'aiment pas le divin Maître. S'il l'aimait, il sentirait de la joie à la vue de son portrait, puisqu'ici-bas même, l'œil tombe avec bonheur sur le portrait d'un ami. Vers ce même temps, on me donna les confessions de saint Augustin. Ce fut, je n'en puis douter, par un dessein particulier du Seigneur, car je ne cherchais point à les avoir, et je ne les avais jamais lus. J'ai pour saint Augustin un très grand amour, d'abord parce que le couvent où j'ai été pensionnaire était de son ordre. Ensuite parce qu'il fut pécheur, je puisais en effet une vive consolation auprès des saints que le Seigneur avait appelés des voies du péché. Il me semblait que je devais trouver en eux du secours, si le Seigneur leur avait accordé le pardon, il pouvait me l'accorder aussi. Une seule chose me désolait, comme je l'ai dit, Dieu ne les avait appelés qu'une fois, et ils étaient restés fidèles, pour moi. Il m'avait déjà tant de fois appelé en vain, c'était là ce qui m'affligeait. Néanmoins, en considérant l'amour qu'il me portait, je sentais renaître mon courage, et si bien souvent je me suis défié de moi, jamais je ne me suis défié de sa miséricorde. Oh mon Dieu, quel effroi me pénètre quand je considère cette dureté de mon âme, malgré tous les secours que le Seigneur lui prodiguait. Je tremble encore en voyant le peu d'empire que j'avais sur moi, et les chaînes si fortes qui m'empêchaient de me donner tout à Dieu. Je n'eus pas plus tôt commencé à lire ce livre des confessions, qu'il me sembla m'y voir moi, même dépeinte, je me recommandai avec ardeur au glorieux saint Augustin. Lorsque j'arrivai à la page de sa conversion, lorsque je lus les paroles qu'il entendit dans le jardin. Confession, livre 8, chapitre 11 et 12. Il me sembla que le Seigneur me les adressait à moi-même. Tant fut grande l'émotion de mon cœur, je restai longtemps baigné de larmes, succombant intérieurement à la douleur et au regret. Oh, que ne souffre pas une âme qui a perdu cette liberté par laquelle elle devait régner en souveraine? Que de tourments elle endure! En vérité, je ne sais comment j'ai pu vivre au sein d'un tel supplice. Louange en soit rendue à Dieu, il me donna la vie et m'arracha de la profondeur de cette mort. En ce moment, je le crois, il communiqua à mon âme de grandes forces. Il avait entendu mes cris, il avait été touché de tant de larmes. Ce fut probablement en 1555 que la sainte reçut les deux grâces mentionnées dans ce chapitre. Elle avait alors 40 ans. Dès cette époque, je sentis croître en moi le désir de rester plus longtemps avec Dieu dans l'oraison, et d'éloigner de ma vue les causes de dissipation. À peine étais-je renfermé dans la solitude, que je sentais renaître mon amour pour notre Seigneur. Je voyais bien que je l'aimais, mais je ne comprenais pas, comme je devais le voir plus tard, en quoi consiste le véritable amour. Pourtant j'achevais à peine de former le désir d'être tout à lui, qu'il se hâtait de son côté de me combler de nouvelles faveurs. Il me conviait, ce semble, à vouloir accepter ses délices et ses caresses, que d'autres s'efforcent d'obtenir par de longs travaux. Ceci se passait dans les dernières années. Je ne lui demandais cependant ni ses douceurs, ni la tendresse de dévotion. Jamais je ne l'aurais osé, je le suppliais seulement de m'accorder la grâce de ne plus l'offenser, et de me pardonner mes péchés. Ils étaient si grands à mes yeux, que jamais de sang, froid je n'aurais osé même désirer ses joies et ses délices. C'était trop de bonté et trop de miséricorde de la part de ce divin maître, de daigner me souffrir en sa présence et de m'y attirer, car sans ce doux attrait, je le voyais, je ne serais point venu. Je ne me souviens de lui avoir demandé des consolations qu'une seule fois dans ma vie, c'était dans un moment de grande sécheresse. Je ne m'aperçus pas plus tôt de ce que je faisais, que la confusion et la douleur de me voir si peu humble me donnèrent ce que j'avais en la témérité de demander. Je savais bien que cela n'était point défendu. Mais je le croyais permis seulement à ceux qui s'y sont disposés par une véritable dévotion, c'est-à-dire qui s'efforcent de tout leur pouvoir de ne point offenser Dieu, et qu'ils sont résolus et préparés à toutes sortes de bonnes œuvres. Il me semblait que mes larmes n'étaient que des larmes de femme, des larmes sans énergie, puisque par elles je n'obtenais pas ce que je désirais. Je crois néanmoins qu'elles m'ont servi, particulièrement à dater de ces deux circonstances, où l'excès de la componction m'en fit répandre de si amères, et où mon cœur fut pénétré d'un si tendre repentir. Dès lors, ainsi que je l'ai dit donner davantage à l'oraison, je commençais à m'adonner davantage à l'oraison, je m'exposais moins aux occasions qui pouvaient me nuire, sans toutefois les éviter entièrement. Peu à peu le divin maître m'aida à m'en éloigner, et à peine vit-il en mon âme une préparation depuis si longtemps attendue, qu'il m'accorda des faveurs de plus en plus nombreuses, comme mon récit va le faire connaître. Conduite peu ordinaire assurément de la part du Seigneur, car il n'a coutume d'accorder de telles grâces qu'à ceux qui vivent déjà dans une plus grande pureté de conscience. Chapitre 10. Les premiers fruits. Notre Seigneur daignait, ainsi que je l'ai dit, confère chapitre 4, m'accorder à certains intervalles, mais durant un temps très court, les prémices de la faveur dont je vais parler. C'était lorsque je me tenais en esprit près de ce divin maître, comme je l'ai raconté, confère chapitre 4 et 9. Et quelquefois aussi lorsque je lisais, Le sentiment de la présence de Dieu me saisissait alors tout à coup, il m'était absolument impossible de douter qu'il ne fût au-dedans de moi, ou que je ne fusse toute abîmée en lui. Ce n'était pas là une vision, c'est, je crois, ce qu'on appelle théologie mystique. Elle suspa l'âme de telle sorte qu'elle semble être tout entière hors d'elle-même. La volonté aime. La mémoire me paraît presque perdue, l'entendement, à mon avis, ne résonne point, sans pour autant être perdu en Dieu. Je le répète, il n'agit point, mais il demeure comme épouvanté de la grandeur de ce qu'il contemple, car Dieu se plaît à lui faire connaître qu'il ne comprend rien de ce qu'il lui découvre alors. Cette faveur avait été précédée d'une autre, qui peut, ce me semble, être jusqu'à un certain point le fruit de nos efforts. C'était une tendresse de dévotion très habituelle, je goûtais un plaisir qui, sans être entièrement sensible ni parfaitement spirituel, est pourtant un don de Dieu, mais en cela nous pouvons nous aider beaucoup nous-mêmes, soit en considérant notre bassesse, l'excellence des bienfaits divins, notre ingratitude, les douleurs de la passion de Jésus-Christ et sa vie si souffrante, soit en contemplant avec joie les œuvres du Seigneur, sa grandeur, son amour pour nous, et tant d'autres merveilles qui se révèlent comme d'elles-mêmes à ceux qui ont un véritable désir de leur avancement. Que si à ces considérations se joint un peu d'amour, l'âme s'épanouit délicieusement, le cœur s'attendrit, les larmes coulent, quelquefois il semble que nous les tirons des yeux comme par force, d'autres fois, c'est notre Seigneur qui, nous faisant une douce violence, leur ouvre un libre passage, sans qu'il nous soit possible de les retenir. Ce divin Maître se plaît ainsi à payer magnifiquement nos faibles services, par cette consolation qu'éprouve l'âme, en voyant ses larmes couler pour une majesté si adorable. Je ne m'étonne pas qu'elle trouve là une source de consolation. Qu'elle y cherche donc sa joie et ses délices, ce n'est que trop légitime. On pourrait à juste titre, comme la pensée m'en vient maintenant, comparer ses joies à celles du ciel. Il y a sans doute, entre les degrés divers de la félicité céleste, une différence incomparablement plus grande qu'entre les degrés de bonheur de l'âme dans cet exil. Voici néanmoins la ressemblance. Dieu donne à ses élus, dans le ciel, une gloire proportionnée à leur mérite. Mais comme ils voient combien peu ils ont travaillé pour la gagner, ils sont tout contents de la place qu'ils occupent. Il en est de même de l'âme ici-bas. Dès que Dieu commence à lui faire goûter ses plaisirs de l'oraison, elle croit vraiment n'avoir plus rien à désirer, et elle se regarde comme très bien payée de tous ses services, et certes elle a bien raison d'en juger ainsi. Ses larmes, fruit en quelque sorte de nos efforts soutenus par le secours divin, sont d'une grande valeur, et ce n'est pas assez de tous les travaux du monde pour en acheter une seule. Quel trésor plus précieux, en effet, que d'avoir un témoignage que l'on est agréable à Dieu. Celui qui en est là doit lui en rendre d'avives actions de grâce, et reconnaître la grandeur d'un tel bienfait, car le Seigneur montre déjà qu'il le veut pour sa maison, et l'a choisi pour son royaume, s'il ne retourne point en arrière. Qu'il méprise certaines fausses humilités dont je compte parler. Il se garde bien de croire faire acte de cette vertu en ne reconnaissant pas les grâces de Dieu. La vérité à bien entendre ici, est que Dieu nous les accorde sans aucun mérite de notre part, témoignons, lui en donc notre gratitude, mais si ces largesses nous sont inconnues, comment exciteront-elles notre amour? Et puis, n'est-il pas hors de doute que plus une âme se reconnaît indigente par elle-même et riche par les dons du Seigneur, plus elle avance dans la vertu et dans la vraie humilité? Cette peur de la vaine gloire, quand Dieu commence à nous prodiguer ses trésors, abat le courage d'une âme, en lui persuadant qu'elle n'est pas capable de grands biens. Celui qui nous les donne, croyons-le fermement, nous donnera aussi la grâce de démêler les artifices du tentateur et la force de lui résister. Pour cela, il ne demande de nous qu'une intention droite, et un vrai désir de lui plaire et non aux hommes. D'ailleurs, n'est il pas très clair que le souvenir des bienfaits augmente l'amour envers le bienfaiteur, si donc il est permis et très méritoire de se rappeler sans cesse que c'est Dieu qui nous a tirés du néant, nous a donné l'être, et nous conserve la vie, que c'est lui qui, si longtemps avant notre naissance, nous a préparé les bienfaits de sa mort et de ses douleurs, pourquoi ne me sera-t-il pas permis de voir, de comprendre, de rappeler souvent à mon souvenir, qu'ayant autrefois aimé les conversations frivoles, je ne puis plus maintenant, par un don du Seigneur, trouver de charme qu'à m'entretenir de lui. C'est là un joyau précieux, et quand je me souviens que je l'ai reçu de lui et qu'il est en ma possession, un tel souvenir non seulement me convie, mais me force à l'aimer. Et cet amour est tout le fruit de l'oraison fondée sur l'humilité. Que doivent donc éprouver certains serviteurs de Dieu, quand ils voient en leur pouvoir d'autres perles plus précieuses encore, comme la perle du mépris du monde et celle du mépris d'eux-mêmes? Il est clair que de tels bienfaits leur imposent plus de reconnaissance et de fidélité. N'ayant par eux-mêmes aucun de ces trésors, ils s'en voient uniquement redevables à la largesse de ce Dieu, qui a daigné se montrer prodigue à ce point envers une âme aussi faible, aussi pauvre et dépourvue de mérite que la mienne. Non content de m'enrichir d'une de ces perles de si haut prix, ce qui était déjà trop pour moi, il m'en a donné d'autres, et sa munificence a dépassé mes désirs. De telles faveurs doivent accroître notre dévouement et notre reconnaissance, Dieu ne les accorde qu'à cette condition. Si, dans cet état sublime, il nous voit mal user de ce trésor, il le reprend, et, nous laissant dans une indigence beaucoup plus grande qu'auparavant, il le donne à des âmes de son choix, qui le feront mieux valoir pour elles-mêmes et pour les autres. Mais comment celui qui ignore les richesses dont il est possesseur, pourrait-il en faire part et les distribuer avec libéralité? Avec une nature telle que la nôtre, il nous est impossible, selon moi, d'avoir le courage des grandes choses, si nous ne sentons en nous l'assurance de la faveur divine. Faibles et courbés vers la terre, nous aurions bien de la peine à arriver à un détachement parfait et à se souvenir des goûts des choses d'ici-bas, si notre âme ne possédait déjà quelques gages des biens d'en haut. Par ses dons, le Seigneur nous rend la force perdue par nos péchés. Ainsi, avant d'avoir reçu ce gage de son amour, accompagné d'une foi vive, il sera bien difficile de se réjouir d'être pour tous un objet de mépris et d'horreur, et d'aspirer à ces grandes vertus qui éclatent dans les parfaits. Notre nature ayant tant de peine à se soulever vers le ciel, nos regards ne se portent qu'aux objets présents. Ces faveurs réveillent la foi et lui donnent une nouvelle vigueur. Comme j'ai si peu de vertus, je juge des autres par moi-même, étant si misérable, j'avais besoin de tous ces secours. Être la seule vérité de la foi suffit à des âmes plus fortes, pour entreprendre des choses très parfaites, à elles de nous éclairer. Pour moi, je dis ce que j'ai éprouvé, comme on l'exige. Si cet écrit n'est pas bien, celui à qui je l'envoie n'aura qu'à le déchirer, il est plus capable que moi d'en découvrir les défauts. Pour l'amour de Dieu, je le supplie, lui et tous mes confesseurs, de publier de mon vivant même, s'il le juge à propos, ce que j'ai dit de mes péchés et des infidélités de ma vie. Dès 7 heures, je le leur permets, dans l'espoir de détromper ainsi ceux qui trouveraient en moi quelque vertu, je puis bien l'affirmer. Mon cœur à l'avance en ressent une grande joie, mais pour ce qui me reste à dire, je ne leur donne pas la même liberté. Et je ne veux pas, s'ils le communiquent, qui 10 ans qui ces choses se sont passées, ni qui les a écrites. Dans ce dessein, je tairai mon nom et celui des autres, et je m'efforcerai de tout dire de manière à rester inconnu. Je leur demande donc, pour l'amour de Dieu, de céder à mon désir. L'approbation d'hommes si instruits et si graves suffira pour autoriser ce qu'il y aura de bon dans cet écrit. S'il y a quelque chose de tel, je le devrai uniquement à notre Seigneur, et je n'y serai pour rien, car je n'ai ni science, ni vertu, ni secours de gens habiles ou de qui que ce soit, à l'exception de ceux qui m'ont imposé ce travail, et qui, dans ce moment, ne se trouvent point ici. Nul ne sait que je m'en occupe, je n'y emploie, pour ainsi dire, que des moments dérobés, et encore avec peine. Cela m'empêche de filer, et je suis dans une maison pauvre, où les occupations ne me manquent pas. En outre, si le Seigneur m'avait donné plus de capacité de mémoire, je pourrais me servir de ce que j'ai lu ou entendu, mais je suis très peu doué de ce côté. Ainsi donc, si je dis quelque chose de juste, notre Seigneur l'aurait voulu pour une bonne fin, ce qu'il y aura de défect lui viendra de moi, et c'est à vous, mon Père, de le retrancher. Dans aucun cas il ne convient de dire mon nom, de mon vivant, ce serait révéler le bien qui est en moi, et il est clair que cela ne doit pas se faire, après ma mort. L'unique résultat serait d'enlever tout crédit et toute autorité à ce que j'aurais dit d'utile, quand on saurait que cela vient d'une personne si méprisable et si dénuée de vertu. Dans la confiance que cette grâce, demandée pour l'amour de Dieu, me sera accordée par vous et par ceux qui verront ces pages, j'écrirai avec liberté, autrement, je ne le ferai qu'avec grand scrupule, sauf pour révéler mes péchés, car en cela je n'en ai point, mais quant au reste, il me suffit d'être femme, et femme si imparfaite, pour que la plume s'échappe de ma main. Ainsi, que tous les détails étrangers au simple récit de ma vie soient pour vous, mon Père, qui m'avez tant pressé d'écrire une relation des grâces que Dieu m'a faite dans l'oraison, si elle se trouve conforme aux vérités de notre sainte foi catholique, vous pourrez en retirer quelque profit, sinon, jetez à l'instant ce papier au feu, je m'y soumets d'avance. Hâtez-vous dès lors de me détromper, afin que le démon ne trouve pas un gain là où mon âme en espérait un pour elle. Notre Seigneur sait bien, comme je le dirai dans la suite, que j'ai toujours recherché ceux qui pouvaient m'éclairer. Malgré tous mes efforts pour exprimer avec clarté ce que j'ai à dire de l'oraison, mon langage sera bien obscur pour ceux qui n'en ont pas l'expérience. Je ferai connaître certains obstacles et certains dangers qu'on rencontre dans ce chemin. Je me servirai pour cela des lumières de mon expérience, et de celles que j'ai puisées dans une communication de plusieurs années avec des gens très doctes et très spirituels. Ils reconnaissent qu'en 27 ans, malgré mes infidélités et mes faux pas dans cette voie de l'oraison, Dieu m'a donné autant d'expérience qu'à d'autres qui y marchent depuis 37 et 47 ans, et qui ont toujours été des modèles de pénitence et de vertu. Que notre Seigneur soit béni de tout, et qu'il daigne se servir de moi, je l'en supplie au nom de son infinie bonté, puisse cette révélation des secrets de sa grâce à mon égard lui procurer quelque gloire et faire bénir son saint nom. Mon divin maître le sait, je n'ai point d'autre but, en faisant connaître comment il a changé un si abject et si dégoûtant fumier en un jardin de fleurs d'un suif parfum. Que la divine majesté me préserve de les arracher par ma faute, et de revenir ainsi à mon premier état, je vous conjure, mon Père, au nom de son amour, de lui demander cette grâce pour moi, puisque vous savez qui je suis, plus clairement que vous ne m'avez permis de le dire en cet écrit. Chapitre 11, Tout donner. Parlons maintenant de ceux qui commencent à être les esclaves de l'amour, car, selon moi, c'est être esclave de l'amour que de se déterminer à suivre par ce chemin de l'oraison celui qui nous a tant aimés. C'est là une dignité si haute, que je ne saurais y penser sans une joie extraordinaire. Il suffit de se montrer fidèle dans ce premier état, pour voir bientôt s'évanouir la crainte servile. Ô, Seigneur de mon âme, ô, mon bien, pourquoi n'avez-vous pas voulu qu'une âme résolue de vous aimer, prête à tout quitter pour mieux concentrer en vous ses affections, et soudain le bonheur de s'élever à ce parfait amour? J'ai mal dit, je devais dire, en faisant retomber sur nous la plainte, pourquoi ne voulons-nous pas? Car à nous seuls est la faute, si nous n'arrivons pas en peu de temps à cette dignité sublime, à ce véritable amour, source de tous les biens. Nous mettons notre cœur à si haut prix, nous sommes si lents à faire à Dieu le don absolu de nous-mêmes, nous sommes si loin de la préparation qu'il exige. Or, Dieu ne veut pas que nous jouissions d'un bonheur si élevé, sans le payer d'un grand prix. La terre, je le sais, n'a point de quoi l'acheter. Cependant, si nous faisions de généreux efforts pour nous détacher de toutes les créatures, pour tenir habituellement au ciel nos désirs et nos pensées, si, à l'exemple de quelques saints, nous nous disposions pleinement et sans délai, j'en suis convaincu, Dieu en fort peu de temps nous accorderait un tel trésor. Mais il nous semble lui avoir fait un entier abandon lorsque, nous réservant la propriété et le capital, nous lui offrons les fruits ou les revenus. Nous nous sommes dévoués à la pauvreté et c'est un acte très méritoire, mais souvent nous nous jetons de nouveau dans des soins et des empressements, pour ne manquer ni du nécessaire ni du superflu. Nous travaillons à nous faire des amis qui nous les donnent, et nous nous engageons ainsi dans des soucis et des dangers, plus grands peu être que ceux que nous trouvions dans la possession de nos biens. Nous croyons également avoir renoncé à l'honneur du siècle en entrant dans la vie religieuse, ou en commençant à mener une vie spirituelle et à marcher dans le sentier de la perfection. Mais, a-t-on porté la plus légère atteinte à cet honneur, nous oublions aussitôt que nous l'avons donné à Dieu, pour le reprendre et nous élever encore. Nous ne craignons pas de le lui arracher des mains, comme on dit, nous qui, en apparence du moins, l'avions rendu maître de notre volonté, ainsi en usons-nous dans toutes les autres choses. Plaisante manière, en vérité, de chercher l'amour de Dieu. On le veut dans toute sa perfection et sur le champ, et l'on conserve cependant ses affections. On ne fait aucun effort pour exécuter les bons désirs, ni pour achever de les soulever de terre. Et avec cela on ose prétendre à beaucoup de consolations spirituelles. Cela ne saurait être, et de telles réserves sont incompatibles avec le parfait amour. Ainsi, c'est parce que nous ne faisons pas à Dieu le don total et absolu de nous-même, qu'il ne nous donne pas tout d'un coup le trésor d'un parfait amour. Plaise au Seigneur de nous le départir goutte à goutte, dû, il nous en coûtait tous les travaux du monde. C'est une très grande miséricorde de sa part de donner à quelqu'un la grâce et l'énergique résolution de tendre de toutes ses forces à ce bien, qu'il persévère, et Dieu, qui ne se refuse à personne, fortifiera peu à peu son courage, de manière à lui faire enfin remporter la victoire. Je me sers à dessein de ce mot courage, car, dès le principe, le démon, connaissant le dommage qui doit lui en revenir, et sachant que cette âme en sauverait un grand nombre d'autres, s'efforce de lui fermer, parmi l'obstacle, l'entrée du chemin de l'oraison. Mais si celui qui commence fait, avec l'aide de Dieu, de persévérants efforts pour s'élever au sommet de la perfection, jamais, à mon avis, il ne va seul au ciel. Il y mène après lui une troupe nombreuse, comme à un vaillant capitaine, Dieu lui donne des soldats qui marchent sous sa conduite. Ainsi, pour ne pas reculer devant tant de périls et de difficultés, il lui faut un très grand courage et un secours signalé du Seigneur. Les quatre degrés de la prière. Puisque je parle des premiers efforts de 16 âmes résolues de poursuivre la conquête d'un tel bien et de sortir victorieuses de leur entreprise, je veux les avertir, me réservant de développer plus tard ce que j'avais commencé à dire sur ce qu'on appelle, je crois, la théologie mystique, que le plus rude labeur se rencontre dans ses commencements, tout en leur donnant la force. Notre Seigneur leur laisse soutenir le poids du travail. Dans les autres degrés d'oraison, c'est la jouissance qui domine, partout cependant, au début, au milieu, au terme de la carrière, tous ont leur croix, cloaque différente. C'est dans ce chemin, tracé par Jésus-Christ, que doivent marcher ceux qui le suivent, s'ils ne veulent s'égarer, aux souffrances bienheureuses, payées, dès cette vie même, d'un salaire qui les dépasse de si loin. Je me verrai forcé d'employer certaines comparaisons que je voudrais éviter, et parce que je suis femme, et afin d'écrire simplement ce qui m'a été commandé, mais, pour des personnes ignorantes comme moi, il y a une difficulté extrême à s'exprimer dans ce langage spirituel, il faudra nécessairement m'ingénier et trouver quelques moyens. Le plus souvent, selon toute apparence, ma comparaison manquera de justesse. Ce sera pour vous, mon père, un sujet de récréation de voir un esprit aussi borné que le mien. Voici celle qui me satisfait pour mon dessein. Je l'ai lu quelque part, ou entendu, mais je ne saurais dire dans quel livre, ou de quelle bouche, ni à quel propos, tant ma mémoire est mauvaise. Celui qui veut s'adonner à l'oraison doit se figurer qu'il entreprend de faire, dans un sol ingrat et couvert de ronces, un jardin dont la beauté charme les yeux du Seigneur. C'est le divin maître lui-même qui arrache les mauvaises herbes et doit planter les bonnes. Or, nous supposons cela fait, quand une âme est résolue de se livrer à l'oraison, et que déjà elle s'y exerce, c'est maintenant à nous, comme bons jardiniers, de travailler, avec le secours de Dieu, à faire croître ces plantes. Nous devons les arroser avec le plus grand soin, alors, loin de se flétrir, elles porteront des fleurs dont le doux parfum attirera le divin maître. Souvent pour son plaisir il visitera ce jardin, et il y prendra ses délices au milieu des vertus qui en sont les fleurs. Voyons maintenant comment on peut arroser, afin de savoir ce que nous avons à faire, ce qu'il doit nous en coûter de labeur et de temps, et si le gain excédera la peine. Il y a, ce me semble, quatre manières d'arroser un jardin. La première, en tirant de l'eau d'un puits à force de bras, et c'est là un rude travail, la seconde, en la tirant à l'aide d'une noria, et l'on obtient ainsi, avec moins de fatigue, une plus grande quantité d'eau, comme j'en ai moi-même quelquefois fait l'épreuve, la troisième, en faisant venir l'eau d'une rivière ou d'un ruisseau, cette manière l'emporte de beaucoup sur les précédentes. Le sol est plus profondément humecté, il n'est pas nécessaire d'arroser si souvent, et le jardinier a beaucoup moins de fatigue. La quatrième enfin, et sans comparaison la meilleure de toutes, est une pluie abondante. Dieu lui, même se chargeant alors d'arroser sans la moindre fatigue de notre part. Je vais appliquer à mon sujet ces quatre manières de donner à un jardin l'eau si nécessaire à son entretien, qu'il ne saurait en être privé sans périr. Je parviendrai ainsi, ce me semble, à donner une certaine idée des quatre degrés d'oraison auxquels parfois, dans sa bonté, le Seigneur a bien voulu élever mon âme. Daigne ce Dieu de bonté m'accorder la grâce de m'exprimer de manière à être utile à l'un de ceux qui m'ont imposé l'obligation d'écrire, et qui, en 4 mois, a été conduit par le Seigneur bien au-delà du terme où je n'étais arrivé qu'après 17 ans. Ses dispositions étaient meilleures, aussi, sans aucun travail de sa part, voit-il le jardin de son âme arrosé par ses 4 eaux. Et s'il ne reçoit encore que quelques gouttes de la 4e, il ne serait, tant il est fidèle, tardé à se plonger, avec l'aide du Seigneur, dans cette eau céleste. Il va trouver sans doute bien plaisante ma manière de m'expliquer. Eh bien, qu'il en rit, je lui déclare que j'y consens de grand cœur. Premier degré. Pour les commençants, l'oraison, nous pouvons le dire, c'est tirer péniblement de l'eau du puits. Il leur en coûte, en effet, de recueillir leur sens habitué à se répandre au dehors, de mourir peu à peu à ce désir naturel de voir et d'entendre, et de s'en abstenir de fait aux heures d'oraison. Ils doivent alors rester dans la solitude, éloignés de tout ce qui peut les distraire, et réfléchir à leur vie passée. Tous, à la vérité, les premiers comme les derniers, méditeront souvent avec fruit les années de leur vie, mais en insistant plus ou moins comme je le dirai dans la suite. Une peine des commençants, c'est de ne pouvoir reconnaître s'ils ont un vrai repentir de leur péché. Se repentir, ils l'ont pourtant, et la preuve en est dans leur résolution si sincère de servir Dieu. La vie de Jésus-Christ doit être le sujet habituel de leur méditation, et un pareil exercice n'est pas sans fatigue pour l'esprit. Voilà jusqu'où nous pouvons arriver par nos efforts, aidés, cela s'entend, de la grâce divine, sans laquelle, on le sait, nous ne pouvons avoir une bonne pensée. C'est là commencer à tirer de l'eau du puits, et Dieu veuille qu'il y en ait. Si elle manque, ce ne sera pas du moins notre faute, nous nous présentons pour la tirer, et nous faisons ce qui dépend de nous pour arroser les fleurs du jardin. Confions-nous à la bonté infinie de Dieu. Si, pour des raisons connues de lui, et peut-être pour notre plus grand bien, il fait tarir la source du puits, il ne laissera pas, pourvu qu'il voie en nous de laborieux jardiniers, de nourrir les fleurs sans eau, et de donner l'accroissement aux vertus. Par cette eau, j'entends ici nos larmes, et, à leur défaut, la tendresse et les sentiments intérieurs de dévotion. Embrasser la croix. Mais que fera celui qui pendant bien des jours ne trouve qu'aridité, dégoût, ennui, profonde répugnance à venir puiser? Il est tenté de tout abandonner. Une pensée l'arrête. Il fait plaisir et rend service au maître du jardin. Une crainte le retient. Manquer de constance serait perdre à la fois ses services passés et ce qu'il espère gagner à l'avenir, par le travail si pénible de faire souvent descendre le seau dans le puits sans en retirer une goutte d'eau. Ce n'est pas tout, certains jours, il ne pourra même lever les bras, je veux dire, avoir une bonne pensée. Car, dans mon langage, puiser l'eau dans le puits, c'est agir avec l'entendement. Eh bien, dans cette extrémité, que fera le pauvre jardinier? Il se réjouira, il se consolera, il regardera comme une faveur des plus insignes de travailler dans le jardin d'un si grand monarque. Sûr de lui plaire par son travail, il n'ambitionnera pas d'autre contentement. Il ne se lassera pas de remercier son maître de la confiance qu'il lui témoigne, car il voit que ce maître, sans rien donner à son jardinier, compte cependant sur lui et sur son zèle à cultiver le jardin qu'il lui a confié. Le devoir du disciple est d'aider le divin maître à porter cette croix dont il fut chargé toute sa vie, sans chercher ici-bas son royaume, et sans jamais abandonner l'oraison. Il acceptera, même jusqu'au dernier soupir, cette désolante aridité, et il ne laissera point Jésus-Christ tomber sous le fardeau de la Crois, un temps viendra où cet adorable Sauveur le récompensera de tout. Il n'a pas à craindre de perdre le fruit de son travail. Il sert un bon maître, dont les regards sont constamment attachés sur lui. Qu'il ne se trouble pas des mauvaises pensées, mais qu'il se souvienne que le démon les présentait aussi à Saint Jérôme dans le désert. Les peines endurées dans l'oraison mentale ont leur prix, je les ai éprouvées moi-même durant plusieurs années, et je regardais comme une faveur de Dieu de pouvoir retirer une goutte de ce puits sacré. Ces souffrances sont très grandes, je le sais, et il faut, à mon avis, plus de courage pour les soutenir que pour supporter bien des traverses du monde. Mais, comme je l'ai vu clairement, Dieu, dès cette vie même, les récompense par un magnifique salaire. Oui, une seule de ces heures où le Seigneur m'a fait goûter sa douceur, m'a surabondamment payé de toutes les angoisses que j'ai si longtemps souffertes pour persévérer dans l'oraison. Notre Seigneur se plaît à envoyer ses tourments, avec beaucoup d'autres tentations, aux uns au commencement, aux autres vers la fin. Son dessein, je pense, est d'éprouver ses amants, avant de mettre en eux de si grands trésors. Il veut savoir s'ils pourront boire le calice et l'aider à porter la croix. C'est pour notre bien, j'en suis convaincu, qu'il agit de la sorte. Il nous montre ainsi combien, par nous-mêmes, nous sommes peu de choses, nous réservant des grâces du plus haut prix, il se plaît à nous faire voir auparavant, par expérience, toute notre misère, de peur qu'il ne nous arrive ce qui arrive à Lucifer. Ô mon tendre maître, est-il un seul de vos actes où vous n'ayez en vue le plus grand bien d'une âme déjà toute à vous? D'une âme qui s'abandonne à vous pour suivre vos traces jusqu'au calvaire, fermement résolue de vous aider à porter la croix, sans jamais vous laisser seul sous ce fardeau. Dès qu'on ne voit en soi une pareille détermination, l'on n'a rien à craindre. Non, non, vous n'avez pas lieu de vous affliger, âmes spirituelles, âmes élevées, vous qui, dédaignant les plaisirs du monde, n'aspirez qu'à vous entretenir seuls avec Dieu, quand vous en êtes là, le plus difficile est fait, rendez-en des actions de grâce à notre Seigneur, et confiez-vous-en sa bonté. Jamais il n'a manqué à ses amis. Gardez-vous de donner la moindre entrée dans votre esprit à cette pensée, pourquoi accorde-t-il à celui-ci, en peu de jours, cette dévotion qu'il me refuse, après tant d'années de service, croyons-le fermement, tout est pour notre plus grand bien. Que le divin maître nous conduise par où il lui plaira, nous ne sommes plus à nous, mais à lui, il nous fait une assez grande grâce en daignant nous conserver la volonté de bêcher son jardin. Nous sommes près du maître de ce jardin, et lui-même est certainement près de nous. S'il lui plaît de faire croître les plantes et les fleurs, tantôt avec l'eau tirée du puits, et tantôt sans elle, que m'importe à moi? Faites, Seigneur, tout ce qu'il vous plaira, préservez-moi seulement de toute offense, et de voir périr mes vertus, si toutefois votre bonté m'en a déjà donné quelqu'une. Vous avez souffert, Seigneur, je veux souffrir, accomplissez en moi, de toute manière, votre volonté sainte, mais, j'ose vous en prier, ne donnez pas le trésor si précieux de votre amour à des âmes qui ne vous servent que pour savourer des délices. Qu'on remarque bien ceci, je le dis, parce que je le sais par expérience, quand une âme entre avec courage dans le chemin de l'oraison mentale, et qu'elle gagne sur elle-même de n'avoir ni beaucoup de joie dans les consolations, ni beaucoup de peine dans les sécheresses. Cette âme a déjà parcouru une grande partie de la carrière. Qu'elle ne craigne point, malgré tous ses faux pas, de retourner en arrière, l'édifice spirituel qu'elle élève repose sur un ferme fondement. Qu'on le sache bien, Le véritable amour de Dieu ne consiste pas à répandre des larmes, ni dans ces douceurs et cette tendresse que nous désirons d'ordinaire, parce qu'elles nous consolent, mais à servir le Seigneur dans la justice, avec force d'âme et humilité. Autrement, ce serait, à mon avis, tendre toujours la main pour le recevoir, et ne jamais rien donner. Que notre Seigneur conduise par la voie des délices intérieures de petites femmes faibles et peu magnanimes comme moi, à la bonne heure, j'y vois une convenance. C'est ainsi qu'il me donne en ce moment la force de supporter certaines croix qu'il lui a plu de m'envoyer. Mais que des serviteurs de Dieu, des hommes graves, doctés d'un esprit élevé, éprouvent tant de peine quand Dieu ne leur donne pas de dévotion sensible, en vérité, cela me fait mal au cœur, je ne leur dis pas de la refuser si Dieu la leur donne, ils doivent, au contraire, l'estimer beaucoup, parce qu'ils la jugent alors utile pour eux, mais s'ils s'en voient privés, qu'ils ne s'en tourmentent pas. Dès que notre Seigneur la leur refuse, ils doivent se persuader qu'elle ne leur est pas nécessaire, et rester maîtres d'eux. Même, ils peuvent m'en croire, je l'ai éprouvé, je l'ai vu, le trouble est une faute, une imperfection, il enlève, avec la liberté d'esprit, le courage d'entreprendre de grandes choses pour Dieu. Quoique cette liberté d'esprit et cette résolution soient d'une haute importance pour les commençants cependant, je dis moins ceci pour eux que pour un grand nombre d'autres, qui, après avoir commencé à s'exercer dans l'oraison, y font peu de progrès. Cela vient, si je ne me trompe, de ce que dès le principe ils n'ont pas généreusement embrassé la croix, leur entendement cesse-t-il d'agir. Ils s'imaginent qu'ils ne font rien, ils s'en affligent, ils ne peuvent le souffrir, et c'est peut-être alors que la volonté, à leur insu, se nourrit d'un aliment substantiel, et prend une nouvelle vigueur. Nous devons penser que Dieu ne fait pas grande attention à ces misères, qui nous paraissent coupables, et qui pourtant ne le sont pas. Il connaît mieux que nous notre infirmité et la bassesse de notre nature. Il voit dans ces âmes le désir de penser toujours à lui et de l'aimer toujours. Cette disposition est celle qui plaît au Seigneur. Quant à cet abattement auquel elle s'abandonne, il ne sert qu'à entretenir le trouble, et si elle devait sentir pendant une heure l'impuissance de méditer, elles la sentiront pendant quatre. Très souvent cela ne vient que de l'indisposition du corps. C'est une vérité que m'ont apprise tant l'expérience et l'observation, que des personnes spirituelles avec qui j'en ai conféré. Oui, telle est notre triste condition ici-bas. Tant que la pauvre âme est prisonnière de ce corps mortel, elle participe à ses infirmités, victime des changements du temps et de la révolution des humeurs, elle se voit souvent, sans qu'il y ait de sa faute, dans l'impuissance de faire ce qu'elle veut. Elle n'est propre, se semble, qu'à souffrir de toute manière. Plus on veut alors la forcer, plus le mal s'aggrave et se prolonge. C'est pourquoi il est besoin de discernement pour connaître quand l'impuissance de méditer procède de cette cause, car on ne doit pas achever d'accabler la pauvre âme. Il faut que ces personnes comprennent qu'elles sont malades. Il leur sera avantageux de changer l'heure de l'oraison souvent même plusieurs jours de suite. Qu'elles passent comme elles, pourront le temps de cet exil, il est cruel, en effet, pour une âme qui aime Dieu, de se voir dans une si misérable vie, sans pouvoir faire ce qu'elle veut, à cause d'un hôte aussi incommode que ce corps. J'ai dit qu'il fallait du discernement, parce que le démon est quelquefois l'auteur du mal qu'on endure. Ainsi, l'on ne doit ni toujours quitter l'oraison à cause des grandes distractions et des troubles dont on est assailli, ni toujours tourmenter l'âme en exigeant d'elle ce qu'elle ne peut. Il y a des œuvres extérieures de charité et d'utiles lectures auxquelles elle peut s'occuper, si elle n'est pas même capable de cela, alors qu'elle serve le corps pour l'amour de Dieu. afin que le corps puisse la servir à son tour, qu'on serait créé par de saintes conversations, ou bien qu'on aille respirer l'air de la campagne, selon le conseil que donnera le confesseur. En tout, l'expérience est d'un grand secours, elle nous fait connaître ce qui nous convient le plus. En quelque état que l'on soit, on peut servir Dieu, son jouet doux. Et il est souverainement important de ne pas mener l'âme par force, comme on dit, mais de la conduire avec douceur, pour son plus grand avancement. Je reviens donc à l'avis que j'ai donné, il est si utile, que je ne saurais trop le répéter. Une fois dans la carrière de l'oraison, que nul ne se tourmente ni ne s'attriste des sécheresses, des inquiétudes, de l'égarement des pensées, s'il veut gagner la liberté d'esprit et ne pas vivre dans une tribulation continuelle, qu'il commence par ne pas avoir peur de la croix. Dès lors, notre Seigneur l'aidera à la porter, la joie régnera dans son âme, et tout tournera à son profit spirituel. Il est évident, parce que j'ai dit, que quand le puits est à sec, il n'est pas en notre pouvoir de faire jaillir la source, mais il est de notre devoir de veiller pour puiser de l'eau. Dès qu'il y en aura, attendu que Dieu veut, alors, par ce moyen, multiplier nos vertus. Chapitre 12. Vivre en compagnie du Christ. Mon but dans le précédent chapitre, malgré de nombreuses digressions, selon moi nécessaires, a été de faire voir jusqu'où nous pouvons aller par nous-mêmes dans l'oraison mentale. J'ai voulu montrer aussi que dans ce premier état, la dévotion dépend en partie de notre travail. Nous ne saurions, en effet, méditer et approfondir ce que notre Seigneur a souffert pour nous, sans nous sentir émus de compassion. Mais la peine que cette vue excite et les larmes qu'elle fait répandre ont quelque chose de suave. Venons-nous à considérer la gloire future, l'amour de notre Seigneur pour nous et sa résurrection. De telles pensées épanouissent l'âme, la joie qu'elle éprouve, sans être ni entièrement spirituelle, ni entièrement sensible, est une joie vertueuse, comme la peine que lui cause la passion de notre Seigneur est une peine méritoire. Tout ce qui fait naître en nous une dévotion à laquelle l'entendement a concouru en partie, porte ce caractère. Mais alors même, cette dévotion est un don de Dieu, et nous ne saurions, par nos seuls efforts, ni l'acquérir, ni la mériter. Une âme que Dieu n'a pas élevée à un degré plus éminent d'oraison, fera très bien de ne pas chercher à s'y élever d'elle-même, et ceci est bien à remarquer, parce qu'elle ne peut que perdre à une pareille tentative. Son occupation, dans cet état, sera de produire divers actes qui agrandissent son courage dans le service de Dieu et réveillent son amour. Elle peut en produire d'autres qui feront croître ses vertus. C'est le conseil d'un livre excellent intitulé « L'art de servir Dieu » et parfaitement approprié à ceux qui s'exercent dans ce premier degré d'oraison, où l'entendement travaille. Elle peut se représenter Jésus-Christ comme s'il était devant elle, s'enflammer peu à peu d'un tendre amour pour sa sainte humanité, lui tenir toujours compagnie, lui parler, l'implorer dans ses besoins, se plaindre à lui dans ses peines, enfin se réjouir avec lui quand il est dans l'allégresse, en sorte que ses joies ne lui fassent pas oublier le divin maître, sans chercher alors des prières étudiées, qu'il se contente de lui adresser des paroles simples, dictées par ses désirs et son besoin. C'est là une excellente méthode pour avancer en fort peu de temps. À mon avis, c'est avoir déjà fait de grands progrès que de travailler à se maintenir dans la compagnie du divin maître, d'en bien mettre à profit les précieux avantages, et d'aimer d'un amour sincère celui qui nous a comblés de tant de liens. En agissant ainsi, nous ne devons point, comme je l'ai dit, nous mettre en peine de n'avoir pas de dévotion sensible, mais nous devons nous montrer reconnaissants envers Dieu, qui, malgré la faiblesse de nos œuvres, entretient en nous le désir de lui plaire. Cette pratique d'avoir toujours Jésus-Christ présent à la pensée, est utile dans tous les états d'oraison? C'est un moyen sûr de profiter dans le premier, d'arriver en peu de temps au second, et de se prémunir contre les illusions du démon dans les derniers. Restez humble. Voilà donc ce qui est en notre pouvoir. Quiconque voudra passer outre, et élever son esprit jusqu'à ses goûts spirituels qui ne lui sont point donnés, se verra frustré, à mon avis, de l'un et de l'autre. En effet, ses goûts étant surnaturels, dès que l'entendement ne peut plus se recueillir, l'âme reste dans un désert et en proie à une grande sécheresse. Cet édifice spirituel reposant tout entier sur le fondement de l'humilité, plus nous nous approchons de Dieu, plus nous devons être humbles, sans cela, nous le verrons tomber en ruine. Or, n'y a-t-il pas une espèce d'orgueil à vouloir, de notre propre mouvement, monter plus haut? Et n'est-ce pas déjà trop de grâce de la part du Seigneur, qu'il daigne, malgré toute notre misère, nous approcher de lui? En parlant ainsi, je n'entends pas interdire les hautes considérations auxquelles l'entendement peut s'élever sur Dieu et sa sagesse infinie, sur le ciel et les merveilles qu'il renferme. Pour moi, je ne donnais jamais un tel essor à mon esprit, mon incapacité me le défendait, voyant d'ailleurs à la lumière divine combien j'étais dénué de vertu. Je trouvais que ce n'était pas une petite témérité de ma part d'oser porter ma pensée sur les choses de la terre, à combien plus forte raison devait, je m'estimais indigne de l'élever jusqu'à celle du ciel. Mais ces considérations pourront être utiles à d'autres, et aux gens d'octant particulier, car la science est, ce me semble, un grand trésor pour cet exercice, quand elle est jointe à l'humilité. J'en ai vu la preuve, il y a peu de jours, dans quelques-uns de ces hommes éminents en doctrine. En fort peu de temps ils avaient fait d'admirables progrès, et c'est ce qui m'inspire le plus vif désir de voir un grand nombre de savants devenir des hommes de raison. Quand je dis que les âmes ne doivent point aspirer à monter plus haut, mais attendre que Dieu les y élève, je ne fais qu'employer un langage spirituel, compris de tous ceux qui ont quelque expérience en cette matière, à ceux qui le trouveraient obscur. Je déclare que je ne saurais m'expliquer plus clairement. Dans la théologie mystique dont j'ai commencé à parler, l'entendement cesse d'agir, Dieu lui-même suspend son action, comme je l'expliquerai avec plus d'étendue dans la suite. Si je sais le faire et s'il plaît à la divine majesté de m'aider de sa lumière, c'est pourquoi je dis que nous ne devons avoir ni la présomption, ni la pensée de suspendre nous-mêmes son action, nous devons, au contraire, continuer de l'occuper à discourir. Au reste, toute tentative de ce genre n'aboutira qu'à nous laisser froid, et comme des êtres privés de raison, la méditation mentale échappe, et l'on ne s'élève pas à la contemplation. Quand le Seigneur suspend et arrête l'activité naturelle de l'entendement, il lui donne de quoi admirer et de quoi s'occuper, sans raisonnement ni discours. Il l'illumine de plus de lumière dans l'espace d'un credo, que nous ne pourrions en acquérir avec tous nos soins en plusieurs années. Mais, de nous-mêmes, prétendre occuper les puissances de l'âme et arrêter leur activité naturelle, c'est folie. Je le répète, cela décèle, sans qu'on s'en doute, un léger défaut d'humilité. On ne commet pas de faute, je le veux, mais du moins on portera la peine d'une si folle tentative. Outre que c'est travail perdu, l'âme en éprouve je ne sais quel dégoût. Elle ressemble à celui qui, s'étant élancé pour sauter, sans tout à coup derrière lui une force qui l'arrêtait rend son élan inutile. Si l'on y fait attention, on reconnaîtra encore, au peu de profit qu'on en retire, ce léger manque d'humilité dont je viens de parler, car cette excellente vertu a cela de propre, que nulle désaction ou elle entre ne laisse jamais de dégoût dans l'âme. Je crois m'être fait entendre, peu, être ne sera-ce que de moi, daigne le Seigneur ouvrir par l'expérience les yeux de ceux qui me liront, avec le moindre degré de cette connaissance expérimentale, ils comprendront sur le champ ce que je dis. Durant plusieurs années, je lus beaucoup de livres spirituels sans en avoir l'intelligence, je passais aussi fort longtemps sans trouver une seule parole pour faire connaître aux autres les lumières et les grâces dont Dieu me favorisait, ce qui ne m'a pas coûté peu de peine, mais quand il plaît à sa divine majesté, elle donne en un instant l'intelligence de tout, d'une manière qui me saisit. C'est une vérité que je puis garantir, en vain plusieurs personnes spirituelles, avec lesquelles j'ai conféré, ont voulu me donner une idée claire des faveurs que Dieu m'accordait, afin de m'aider à les exprimer, tous leurs efforts ont complètement échoué devant mon peu de pénétration, ou pour mieux dire, notre Seigneur, qui fut toujours mon maître, ne voulait pas qu'un autre que lui eût en cela des droits à ma reconnaissance, qu'il soit béni de tout. Un tel aveu me confond, mais enfin c'est la vérité. La lumière m'est venue quand je ne la cherchais ni ne la demandais. Curieuse pour ce qui était vain, je ne l'étais point pour des choses où il y aurait eu un vrai mérite à l'être. Ce Dieu de bonté m'a donné en un instant une pleine intelligence de ses faveurs, et la grâce de savoir les exprimer. Mes confesseurs en étaient dans l'étonnement, et moi plus que, parce que mon incapacité m'était plus connue. Cette grâce, qui est toute récente, fait que je ne me mets point en peine d'apprendre ce que notre Seigneur ne m'enseigne pas, à moins qu'il ne s'agisse d'une chose qui intéresse ma conscience. Je reviens de nouveau à cet avis si important, on ne doit pas élever son esprit, mais attendre que le Seigneur l'élève lui-même, et quand c'est lui qui l'élève, on le reconnaît à l'instant. Une telle prétention serait plus dangereuse pour des femmes, parce que l'esprit de ténèbres pourrait les faire tomber dans quelque illusion. J'en suis néanmoins convaincu. Notre Seigneur ne permettra point à cet ennemi de nuire à un homme qui s'efforce de s'approcher de son Dieu avec humilité. Elle retirera plutôt du profit des ruses par lesquelles le démon voulait la perdre. Je me suis beaucoup étendu sur ce premier degré d'oraison, parce que c'est le plus général, et que les avis que j'ai donnés sont à mes yeux d'une extrême importance. D'autres, sans doute, en auront écrit beaucoup mieux, et c'est ce qui me fait rougir d'avoir osé en parler, mais, je l'avoue, je n'en ai pas encore assez de honte, le Seigneur soit béni de tout, lui qui permet et commande à une créature aussi méprisable que moi, de parler de choses si relevées et si divines. Chapitre 13. Avoir de grands désirs. Ayant vu certaines tentations dans les commençants, en ayant éprouvé moi-même quelques-unes, il m'a semblé utile de les faire connaître, et de donner en même temps quelques avis sur des points nécessaires, selon moi, dans la vie spirituelle. Dès le début, que l'on tâche de marcher avec joie et liberté d'esprit, certaines personnes se figurent que leur dévotion va s'en aller, si elle cesse tant soit peu de veiller sur elle-même, sans doute il est bon de se défier de soi, et de ne s'exposer en aucune manière aux occasions où l'on a coutume d'offenser Dieu. Une pareille conduite est nécessaire jusqu'à ce qu'on soit bien affermi dans la vertu, et rarement, je l'avoue, on l'est assez pour se dispenser de vigilance dans les occasions qui flattent le côté faible de l'âme. Durant toute la vie, ne fût-ce que par humilité, il nous est salutaire de reconnaître la misère profonde de notre nature, mais enfin il est, comme je l'ai dit, plusieurs récréations que l'on peut prendre, pour revenir ensuite à l'oraison avec plus de vigueur. En tout, La discrétion est nécessaire. Il faut aussi ouvrir notre âme à une grande confiance. Il nous est fort utile de ne pas resserrer nos désirs dans d'étroites limites. Nous devons croire, au contraire, qu'en nous appuyant sur Dieu, nous pourrons, par de constants efforts, arriver avec le temps à la perfection où sont parvenus plusieurs saints. Si jamais leur âme n'eût conçu ces grands désirs, si peu à peu ils n'en étaient venus à l'exécution, ils ne seraient pas montés à un état si élevé. Dieu demande des âmes courageuses, pourvu qu'elles soient humbles et ne se confient nullement en elles-mêmes. Je n'ai jamais vu aucune de ces âmes demeurer en chemin, comme aussi jamais je n'ai vu aucune des âmes lâches, qui s'abritent sous le rempart de l'humilité, faire en plusieurs années les progrès que les autres font en si peu de temps. Je suis saisi d'étonnement quand je considère la marche rapide de ces âmes, dont le courage va au-devant des grandes choses, sans avoir, dès le commencement, des forces considérables, elle s'élance d'un coup d'aile à une grande hauteur, bien que, semblable au petit oiseau qui n'a pas toutes ses plumes, elle se fatigue ensuite, et soit contrainte de s'arrêter. Je pensais souvent autrefois à ce que dit saint Paul, on peut tout en Dieu, car, par moi-même, je le sentais, je ne pouvais rien. Cette pensée me servit beaucoup, ainsi que ces paroles de saint Augustin. Donnez-moi, Seigneur, ce que vous commandez, et commandez-moi ce que vous voudrez. J'aimais aussi à considérer fréquemment que saint Pierre n'avait rien perdu pour s'être jeté dans la mer, malgré la peur dont il fut ensuite saisi. Ces premières résolutions sont d'une haute importance, toutefois, les commençants doivent aller avec retenue, avec discrétion, et d'après les avis du maître spirituel, mais ils doivent avoir soin de n'en pas choisir un qui les fasse marcher à pas de tortue, et qu'ils se contentent de leur apprendre à faire seulement la chasse aux petits lézards. Que l'humilité soit toujours devant nos yeux, afin de nous faire comprendre que les forces ne viendront pas de notre fond. La fausse humilité. Mais il faut avoir une idée juste de cette humilité, car le démon, je n'en doute pas, nuit beaucoup aux personnes de raison et les empêche d'avancer très loin, en leur donnant une notion fausse de cette vertu. Il leur fait croire qu'il y a de l'orgueil à former de grands désirs, à vouloir imiter les saints, à souhaiter d'être martyrs. Bientôt, il leur dit ou leur fait entendre que les actions des saints doivent être admirées, mais non imitées par des pécheurs comme nous. Je ne conteste pas cela, je dis seulement qu'il est besoin de discerner ce que nous pouvons imiter et ce que nous ne pouvons qu'admirer. Ainsi, il ne conviendrait pas à une personne faible et malade de s'imposer des jeûnes fréquents, des pénitences austères, de se retirer dans un désert où elle ne pourrait dormir ni trouver des aliments, sans parler d'autres privations de ce genre. Mais nous devons penser que, par de généreux efforts et avec le secours de Dieu, nous pouvons arriver à un grand mépris du monde, au mépris de l'honneur et au détachement des biens temporels. Il nous semble, tant nos cœurs sont étroits, que la terre va nous manquer. Si nous oublions un instant ce corps pour nous occuper des intérêts de l'âme, ce n'est pas tout, nous regardons comme très favorable à une vie de recueillement d'avoir le nécessaire en abondance, attendu que le souci du temporel est une source de trouble dans l'oraison. Je gémis de voir en nous si peu de confiance en Dieu et tant d'amour propre, que de semblables soins nous jettent dans l'inquiétude, il n'est que trop vrai que, vu notre peu de progrès dans la vie intérieure, de pures bagatelles nous causent autant de peine que des choses importantes pourraient en causer à d'autres. Et après cela, nous nous flattons dans notre pensée d'être spirituels. À mon avis, marcher de la sorte, c'est vouloir accorder le corps et l'âme, de manière à ne point perdre ici-bas les douceurs du repos, et à jouir de Dieu dans la patrie, et de fait, On aura ce bonheur, si l'on vit dans la justice et la pratique de la vertu. Mais c'est la cheminée d'un pas bien lent et bien irrésolu, et jamais ainsi on ne parviendra à la liberté d'esprit. Selon moi, une pareille manière de procéder va fort bien aux personnes mariées. Leur vocation n'en demande pas davantage, mais pour un autre état de vie, je ne puis admettre une telle méthode d'avancement spirituel. Jamais on ne me fera croire qu'elle soit bonne, je la connais par expérience, et j'aurai toujours marché dans cette misérable voie, si le Seigneur, dans sa bonté, ne m'en eût fait connaître une autre bien plus courte. Quant au désir d'une vie parfaite, j'en ai toujours eu de grands, mais, comme je l'ai dit, je voulais tout ensemble mener une vie de raison et vivre selon mon bon plaisir. Si quelqu'un m'eût fait prendre un essor plus hardi, j'en serais venu, je crois, des désirs aux œuvres. Mais, hélas, à cause de nos péchés, ils sont si rares, si faciles à compter, les maîtres spirituels qui ne soient pas d'une discrétion excessive. Cela suffit, selon moi, pour empêcher ceux qui commencent de s'élever en peu de temps à une grande perfection. Jamais, en effet, le Seigneur ne nous manque, jamais il ne refuse son secours, c'est toujours de notre côté qu'est la faute et le manque de fidélité. Nous pouvons encore, à l'exemple de saints, aimer la solitude, le silence, et pratiquer plusieurs autres vertus, qui ne tueront pas ce corps, notre mortel ennemi. Que veut-il, en effet, par tant de ménagements qu'il exige, si ce n'est la ruine de l'âme? De son côté, le démon ne contribue pas peu à le frapper d'impuissance pour le bien, vois. Il en nous quelque crainte, c'en est assez, soudain il nous persuade que tout va nous tuer, ou du moins nous ruiner la santé, il nous inspire même une secrète erreur des larmes versées dans l'oraison, comme pouvant nous rendre aveugles, je le sais, parce que j'en ai fait l'épreuve. Eh bien, je le demande, le plus précieux avantage d'une vue, d'une santé parfaite, ne serait ce pas de les perdre l'une et l'autre pour une aussi belle cause. Infirme comme je le suis, je me vis toujours enchaîné, incapable du moindre bien, jusqu'au moment où je pris la détermination de ne tenir aucun compte ni du corps ni de la santé. À la vérité, ce que je fais aujourd'hui se réduit encore à bien peu de choses, mais Dieu m'éclaira sur cet artifice du démon. M'objectait. Il a perte de ma santé, je disais, il importe peu que je meure. Me parlait-il de la perte de mon repos? Je lui répondais, je n'ai plus besoin de repos, mais de croix, et ainsi du reste. Je vis clairement que, malgré des infirmités réelles, je cédais, en bien des circonstances, à la tentation de cet esprit de ténèbres ou à ma propre lâcheté. Par le fait, depuis que je me traite avec moins de soin et de délicatesse, je me porte beaucoup mieux. On voit par là combien il est nécessaire au commençant de dominer toutes ces vaines terreurs de l'imagination. Je l'ai pris de s'en rapporter là, dessus à mon expérience. Puisse mon exemple les instruire, le récit de mes fautes serait de quelque utilité. Ne pas s'occuper de la perfection des autres. Voici une autre tentation fort ordinaire chez eux, venant à peine de goûter la douceur et les avantages de la vie spirituelle, ils voudraient sur le champ voir tout le monde l'embrasser. Le désir est bon, mais le mode de le réaliser pourrait n'être pas exempt d'inconvénients, si l'on use d'une sage réserve et de beaucoup d'adresse, afin de ne point paraître faire la leçon aux autres. Pour leur être utile, il faut des vertus très solides, autrement, on leur devient un sujet de tentation. Une expérience personnelle m'a enseigné cette vérité dans le temps où, comme je l'ai dit plus haut, je tâchais de porter quelques personnes à l'oraison. D'un côté, elle m'entendait dire des choses admirables des avantages qu'on y rencontre, et de l'autre, elle me voyait fort dénuée de vertu. C'était pour elle, comme elles me l'ont avoué depuis, une tentation et un mystère, et certes à bon droit, vu qu'elle ne pouvait comprendre comment l'un pouvait s'accorder avec l'autre. En outre, l'opinion favorable qu'elles avaient de moi les empêchait de considérer comme mauvais ce qu'il était en effet, parce qu'elles me le voyaient faire quelquefois. C'est un artifice du démon, il se sert en apparence de nos vertus pour autoriser, autant qu'il le peut, le mal qu'il cherche à nous faire commettre. Ce mal, pour petit qu'il soit, est très nuisible dans une communauté. Quel devait donc être celui que j'y causais par ma conduite? Aussi, dans le cours de plusieurs années, trois personnes seulement ont profité de mes entretiens, tandis que plus tard, quand le divin maître eut affermi ma vertu, j'ai eu le bonheur, dans l'espace de 2 à 3 ans, de faire du bien à un grand nombre d'âmes, comme je le dirai dans la suite. De plus, il y a dans ce zèle pour les autres un autre grave inconvénient, c'est que l'âme perd au lieu de gagner, car, dans les commencements, elle ne doit prendre soin que d'elle-même, et il lui sera souverainement utile de vivre comme si, sur la terre, elle était seule avec Dieu seul. Une nouvelle tentation pour les commençants, c'est le déplaisir causé par la vue des péchés et des fautes d'autrui. Comme toutes les autres, elle se présente à eux sous les apparences du zèle. Il importe de la remarquer et de marcher avec précaution. Le démon leur fait croire que s'ils s'affligent, c'est uniquement parce qu'ils désirent ne point voir Dieu offensé, et qu'ils ne sauraient souffrir les outrages faits à sa gloire. Ils voudraient sur le champ y porter remède, et leur inquiétude les empêche de faire oraison. Le plus grand mal est de penser que ces vertus, perfections, zèle ardent pour Dieu, je ne parle pas ici de la peine que donnent des péchés publics passant en coutume dans une congrégation, ou les ravages causés de nos jours dans l'Église par ces hérésies qui entraînent tant d'âmes à leur perte. Cette peine est très légitime, venant d'une source très pure, elle n'inquiète pas. Ainsi, le parti le plus sûr pour une âme de raison sera d'oublier toutes les créatures, de ne s'occuper que d'elle-même et du soin de plaire à Dieu. Cette conduite est pleine de sagesse, que de fois, en effet, on se trompe en se confiant trop à une bonne intention. J'essaierai en vain de dire toutes les fautes de ce genre dont j'ai été témoin. Efforçons-nous donc d'avoir toujours les yeux ouverts sur les qualités et les vertus des autres, et, pour ne pas voir leurs défauts, considérons la grandeur de nos péchés. Une telle pratique, sans être portée à la perfection dès le début, nous conduit cependant à l'acquisition d'une belle vertu, celle qui nous incline à croire tous les autres meilleurs que nous. On n'en verra d'abord que le germe en notre âme, mais si, avec le secours de la grâce, nécessaire en tout et sans laquelle nos soins sont inutiles, nous faisons de sincères efforts, si nous supplions Dieu de nous donner cette vertu, ce Dieu de bonté, qui ne se refuse à personne, ne manquera pas d'exaucer nos désirs. La méditation. Ceux qui discourent beaucoup, et qui trouvent dans chaque sujet abondance de pensée et de considération, devront avoir égard à la vie que je vais leur donner. Quant à ceux qui, comme moi, loin de se servir de l'entendement, trouvent plutôt en lui un obstacle qu'un secours, ils n'ont qu'une chose à faire, prendre patience, jusqu'à ce qu'il plaise au Seigneur d'occuper leur esprit et de leur donner sa lumière. M'adressant donc à ceux qui discourent, je leur recommande de ne pas consumer tout le temps de leur raison à approfondir le sujet qu'ils méditent. Cet exercice étant une source de mérite et de délices, il leur semble qu'il ne doit point y avoir pour eux de jour de dimanche, ni suspension de travail un seul instant. Que dis-je ? Ils considèrent comme perdu le temps qui n'est pas ainsi employé. Et moi, je regarde cette perte comme un très précieux. Que doivent-ils donc faire? Se mettre, comme je l'ai dit, en présence de notre Seigneur, s'entretenir avec lui sans fatiguer l'entendement, et savourer le bonheur d'être en sa compagnie. Là, point de pénible raisonnement, mais une simple exposition de nos besoins et des motifs qu'aurait le divin maître de ne pas nous souffrir à ses pieds. Il faut, suivant les temps, varier cette occupation, afin de ne pas se dégoûter par la continuité de la même nourriture. Les aliments dont je viens de parler sont très savoureux et très profitables. Dès qu'on a commencé à les goûter, ils communiquent à l'âme une substance vivifiante, et l'enrichissement de nombreux trésors. Je veux rendre ma pensée d'une manière plus claire. Car tout ce qui regarde l'oraison présente de la difficulté, et l'on a beaucoup de peine à le comprendre sans le secours d'un maître, mon désir serait d'abréger, et, vu l'excellent esprit de celui qui m'a commandé d'écrire, l'exposé le plus sommaire suffirait, mais mon peu de pénétration ne me permet pas de faire comprendre en quelques mots une matière qu'il est si important de bien exposer. Ayant tant souffert, j'ai compassion de ceux qui commencent avec le seul secours des livres. On ne saurait croire combien les lumières qu'on y puise sont différentes de celles de l'expérience. Je reviens à ce que je disais. Nous prenons pour sujet de méditation un mystère de la passion, par exemple, notre Seigneur à la colonne. L'entendement considère les grandes douleurs du divin maître au milieu d'un tel abandon, il en recherche les causes. Enfin, il creuse ce mystère sous divers points de vue. Travail facile à un esprit actif ou exercé par la science. Voilà une voie très excellente et très sûre, et c'est la manière d'oraison par laquelle tout doit commencer, continuer et finir. Jusqu'à ce qu'il plaise au Seigneur d'élever à des états surnaturels, cette manière est pour tous, comme je viens de le dire. Cependant, il y a un grand nombre d'âmes qui tirent plus d'utilité de quelques autres méditations que de celle de la passion du Sauveur, comme il existe plusieurs demeures dans le ciel. On y arrive aussi par plusieurs chemins. Certaines personnes font des progrès en se considérant dans l'enfer, d'autres, que cette seule pensée contriste, s'animent à servir Dieu en se considérant dans le ciel. Il y a des âmes pour qui la méditation de la mort est excellente, enfin, il en est quelques-unes d'une si grande tendresse de cœur, qu'il leur serait très pénible de méditer constamment la passion. Elles trouvent leur délice et leur avancement à contempler tantôt la puissance et la grandeur de Dieu dans les créatures, tantôt cet amour dont il nous aime et qui resplendit dans tous ses ouvrages. C'est là une admirable manière de procéder, pourvu qu'on revienne souvent à la source de tous les biens. Je veux dire à la vie et à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Les commençants ont besoin de discernement pour reconnaître ce qui les fait avancer davantage. C'est pourquoi un maître expérimenté leur est nécessaire. S'il n'est pas tel, il peut commettre de graves erreurs, il les conduira sans les comprendre, et il les empêchera de se comprendre eux-mêmes, car, persuadés du mérite de l'obéissance, ils n'oseront en rien s'écarter de ses ordres. J'ai rencontré de ces âmes, jetées dans l'angoisse et dans l'affliction par l'inexpérience de leur guide. Elles me faisaient compassion. J'en ai vu une, entre autres, qui ne savait plus que devenir, étranger à la science spirituelle. De tels directeurs fatiguent l'âme et le corps, et empêchent les progrès. J'ai connu une de ces âmes, que son confesseur tenait enchaîné depuis 8 ans dans la connaissance d'elle-même, sans jamais lui permettre d'en sortir. Notre Seigneur néanmoins l'avait déjà élevé à l'oraison de quiétude, il en résultait pour elle de bien cruelles souffrances. Sans doute, On ne doit jamais abandonner cette considération de la connaissance de soi. Sans doute il n'est point d'âme fût-elle de la taille d'un géant dans la vie spirituelle, qui ne doivent souvent revenir à l'enfance et à la mamelle. Qu'on n'oublie jamais cet avis, je le répéterai peut-être plus d'une fois encore. Tant il est important, car il n'existe aucun état de raison si élevé, où il ne soit souvent nécessaire de revenir au commencement. Oui, cette considération de ses péchés, et la connaissance de soi-même, sont le pain avec lequel doivent se manger tous les autres aliments, quelque délicat qu'ils soient. Sans ce pain, on ne pourrait vivre. Mais enfin, on doit le prendre avec mesure. Quand une âme déjà souple sous la main de Dieu voit son indigence et son néant, quand, pénétrée de honte en présence d'un si grand roi, elle sent de quel faible retour elle paie de si grands bienfaits, quel besoin a-t-elle de consumer là son temps? Ne doit-elle pas plutôt s'élever à d'autres considérations auxquelles le Seigneur la convie, et qu'il n'est pas raisonnable de négliger? Notre Seigneur sait bien mieux que nous les aliments qui nous conviennent. Il importe donc extrêmement que le maître soit judicieux. J'entends d'un esprit solide et qu'il ait de l'expérience, si à cela il joint la doctrine, c'est parfait. Mais si l'on ne peut en rencontrer un qui possède à la fois ces trois qualités, il est plus utile qu'il réunisse les deux premières. Parce qu'on peut, s'il en est besoin, consulter des personnes savantes. À la vérité, des savants ne pratiquant point l'oraison me semblent peu propres à faire avancer ceux qui commencent. Je ne dis pas néanmoins qu'il ne faut pas avoir de rapport avec eux. J'aimerais mieux, je l'avoue, qu'une âme renonce à l'oraison, que de l'avoir dès le début s'engager dans une fausse route. C'est un grand trésor que la science. Elle instruit, elle éclaire ceux qui savent peu, comme nous. En nous appuyant sur les vérités de la Sainte Écriture, nous nous acquittons de nos devoirs avec sécurité. Dieu nous délivre des dévotions mal entendues. Je vais donner plus de jours à ma pensée, car j'embrasse peut-être trop de choses à la fois. Ce fut toujours mon défaut, comme je l'ai dit, de ne savoir m'expliquer qu'avec beaucoup de paroles. Voilà une religieuse qui commence à s'adonner à l'oraison. Un homme simple la dirige, il lui vient en fantaisie qu'elle doit lui obéir plutôt qu'à son supérieur. Il n'hésite pas à le lui persuader, et cela, sans malice, mais croyant faire merveille. En effet, s'il n'est pas religieux, il croira qu'il doit en être ainsi. A-t-il à conduire une femme mariée ? Il lui dira de passer en oraison, au déplaisir même de son mari, les heures qu'elle doit aux soins de sa famille. Ainsi, il ne sait régler ni le temps ni les occupations d'après la vérité. Privé de lumière, il ne peut, malgré tous ses désirs, en donner aux autres. Quoique la science ne semble pas nécessaire pour la direction des âmes, mon opinion a été et sera toujours que tout chrétien doit, quand il le peut, rechercher un guide instruit, et le meilleur sera le plus éclairé. Un tel secours est encore plus nécessaire aux personnes de raison, et c'est dans les états les plus élevés qu'elles peuvent le moins s'en passer. On dira peut-être, des savants étrangers à l'oraison ne sauraient convenir aux âmes qui la pratiquent. C'est une erreur. J'ai été en rapport avec un grand nombre d'entre eux, les besoins de mon âme ayant été plus grands dans ces dernières années. J'ai recherché leur lumière avec plus d'empressement. Enfin, j'ai toujours aimé les hommes éminents en doctrine. Quelques-uns, j'en conviens, n'auront pas une connaissance expérimentale des voies spirituelles. Mais ils ne les ont point en aversion, ils ne les ignorent pas, et à l'aide de l'Écriture sainte dont ils font une étude constante, ils découvrent toujours les véritables marques du bon esprit. Je suis convaincu qu'une personne de raison qui consulte des gens savants ne sera pas trompée par les artifices du démon, si elle ne veut se tromper elle-même. Cet esprit de ténèbres redoute singulièrement, selon moi, la science humble et vertueuse, et il sait qu'il sera découvert par elle, et qu'ainsi ses stratagèmes tourneront à sa perte. J'ai parlé de la sorte, parce que, selon certains esprits, des savants étrangers aux voies intérieures ne sont pas faits pour conduire les personnes de raison. J'ai déjà dit que le maître doit être spirituel, mais si la science lui manque, c'est un grave inconvénient. Nous puisons de grands secours dans les lumières des savants en qui la vertu se trouve unie à la doctrine. Sans marcher même dans ces voies spirituelles, ils nous seront utiles. Dieu leur fera comprendre ce qu'ils doivent nous enseigner, il les rendra même spirituels dans la vue de notre avancement. C'est ce qu'une expérience personnelle me permet d'affirmer, cela m'est arrivé avec plus de deux. Parlant en général, je dis qu'une âme, avant de s'abandonner entièrement à la conduite d'un seul maître, doit avoir soin de le choisir tel que je l'ai dépeint. Ne pas agir ainsi serait une grande faute. Une personne engagée dans la vie religieuse doit encore mettre plus de zèle dans ce choix, car elle peut dépendre d'un supérieur qui manquera de ces trois qualités, et, certes, c'est assez d'une pareille croix, sans aller en outre volontairement soumettre son jugement à un homme qui en manque. Quant à moi, je n'ai jamais pu m'y résoudre, et je ne vois aucune raison de le faire. Si c'est une personne séculière, elle est libre de choisir celui auquel elle doit être soumise. Qu'il en bénisse Dieu, et ne se prive point d'une si sainte liberté, qu'elle demeure plutôt sans directeur, jusqu'à ce qu'elle en ait trouvé un qui soit tel que j'ai dit. Le Seigneur le lui donnera, pourvu qu'au désir de le rencontrer elle joigne l'humilité. Je bénis Dieu de toute mon âme, et les femmes et ceux qui sont sans l'être devraient sans cesse, comme moi, lui rendre d'infinies actions de grâce de ce qu'il se trouve des hommes qui, à force de labeur, ont conquis la vérité que nous ignorons. Je considère souvent avec étonnement la peine que coûte la science aux savants, et en particulier aux religieux, tandis qu'il nous suffit de les interroger pour avoir part à leur trésor, et il se trouverait des personnes qui refuseraient d'en profiter. Plaise à Dieu de ne point le permettre. Que de fois me suis-je sentie couverte de confusion, en considérant ces savants soumis au sacrifice de la vie religieuse, et ces sacrifices sont grands. Joignez-y les austérités, la nourriture grossière, l'obéissance à leur supérieur, le sommeil pénible, partout l'abnégation, partout la croix. Ce serait, selon moi, un grand mal de se priver par sa faute d'un bien qui leur a tant coûté. Et nous, exemple des sacrifices qu'ils acceptent, recevant de leurs mains la nourriture toute préparée, vivant à notre gré, tandis qu'ils portent le poids de tant de travaux, nous nous préférons peut-être intérieurement à eux parce que nous donnons un peu plus de temps à l'oraison. Seigneur, qui m'avez faite si incapable et si inutile, je vous bénis, mais je vous bénis bien plus encore de ce que vous excitez tant d'âmes à nous réveiller de notre sommeil. Nous devrions faire monter vers vous une prière incessante pour ceux qui nous donnent la lumière, et que serions, nous sans yeux, au milieu des grandes tempêtes qui de nos jours agitent l'Église, si quelques-uns n'ont pas répondu à la sainteté de leur mission, la fidélité des autres n'en brillera que davantage. Daigne le Seigneur les tenir de sa main, et protéger ses appuis de notre faiblesse. Amen. Me voici bien loin du sujet que j'avais commencé à traiter, mais ces avis auront leur utilité. Ils empêcheront les commençants de s'égarer dans la voie sublime où ils entrent. Je reviens à ce que je disais du mystère de Jésus-Christ à la colonne. Il sera bon, sans doute, de discourir pendant quelque temps, de considérer quel est celui qui souffre, la grandeur et les causes de son supplice, enfin l'amour avec lequel il l'endure. Mais on ne doit pas toujours se fatiguer à approfondir ces divers points. Il sera excellent de se tenir en paix, sans discourir, auprès du divin maître. L'âme s'occupera selon son pouvoir à considérer qu'il la regarde, elle lui tiendra compagnie et lui adressera ses demandes, elle s'humiliera, elle prendra avec lui ses délices, se souvenant qu'elle est indigne de jouir ainsi de sa présence. Si elle peut en venir là, même dès le commencement de l'oraison, elle en retirera un grand profit. Une telle méthode est la source de grands biens. Elle l'a du moins été pour mon âme. Je ne sais, mon père, si je m'explique bien, vous en serez juge. Plaise au Seigneur que moi je réussisse à le contenter toujours. Amen. Marc M. Dan, archive.org. D'après Roland Soyer, livremystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.